Bienvenue dans Ketchup numéro 13, les marques et les smarks. C'est Hank qui vous parle pour un épisode très spécial de Ketchup, tout simplement. SmackDown et Rose, cette semaine, seront couverts par nos analyses. Aujourd'hui, je reçois, et cette fois-ci, sur cet enregistrement, je ne l'oublie pas, tout d'abord Giscal. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Yerem. Salut à tous. Et Ringside. Salut. The Dream Team. C'est donc la première fois. Le grand complet, là. Ouais. Voilà. Four Horsemen. Les trois mousquetaires. Après, plus Hank. Plus Hank, merci. donc voilà, première fois qu'on a les trois chroniqueurs principaux. Bref, on va arrêter de se passer de la pommade et on va passer à Monday Night Raw, donc de ce 18 juillet. Donc on va analyser et ensuite on passera donc à SmackDown et la draft qui donc permet de séparer les rosters comme vous le savez bien. Raw était à Providence, Rhode Island cette semaine et donc ça a commencé par Stéphanie qui rentre en scène et avant même de commencer son speech elle se fait interrompre par Shane McMahon. Il commence à parler, à se disputer un petit peu et puis Stéphanie se décide à annoncer son GM comme c'était prévu depuis la semaine dernière. Son GM qui sera Mick Foley. Il dit Mick Foley que l'ambiance est à la guerre entre les rosters et donc ça lui donne des souvenirs de l'attitude era et qu'il compte être aussi agressif que possible pour mener son roster vers la victoire des audiences. Et Shane salue ce choix d'un Hall of Famer et donc dit, il est bien Hall of Famer hein, Mick Foley. Oui, je m'en trouve. Des moments, ils mettent du temps à aller. S'il l'est pas, il le sera. Mais... ouais, voilà. Donc, Shane dit qu'il sera curieux de regarder Raw de façon très polie. Et puis, c'est à Shane d'annoncer son favori qu'on avait déjà deviné, hein, nous, les marques et les smarks, tout ça. C'est tout simplement D-Bry, Daniel Bryan, dans le top 5 de Booker T à jamais. Tout de costard vêtu, il arrive et il reçoit une pop de Messi, hein, comme d'habitude. Je ne parle pas du joueur, hein, je parle du mot, un Messi. Messi est bien trop occupé avec ses affaires judiciaires. Messi, pas trop de pop en ce moment. Mais bref, on va pas parler de foot. Donc, Brian arrive dans le ring. Stéphanie tente de lui serrer la main, mais il l'évite. Hein, bonne vieille rancune. Dans le public, ça gueule beaucoup du Daniel Bryan. Il fait son habituel silence avec son grand sourire pendant une minute, histoire d'apprécier le public. Et puis il dit que SmackDown est le show underdog, donc l'outsider, tout comme lui était outsider il a dû se battre pour monter les échelons. Donc il dit aussi que la vision de Shane l'a convaincu. C'est grâce au public qu'il a battu Triple H et qu'il a gagné la ceinture du WWE World Heavyweight Championship. Stéphanie dit que le choix est plutôt bon puisque Daniel Bryan est un B+ player et que SmackDown est un B+ show. Shane réplique à Stéphanie qu'elle n'a pu rester à sa place qu'en mariant Triple H et ça se finit avec un... Ça c'était un petit peu la cheap hit, hein. Oui. Ça se finit forcément avec un yes chant, une petite question, je sais plus ce qu'il lui demande, mais bon bref, c'est le rituel à Daniel Bryan, il faut lui poser une question en oui ou non, et puis après ça débute les yes chant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence ? Concernant les deux GM qui ont été révélés, effectivement Daniel Bryan était un des gros pressentis pour SmackDown parce qu'il représentait pas mal l'esprit que semblait vouloir insuffler, et je dis bien semblait vouloir, Shane McMahon, parce qu'on verra plus tard au niveau de la draft que c'est pas forcément ça. Après Mick Foley, pour moi c'est un choix assez étonnant. Parce que les deux sont deux face et que effectivement, par rapport à Stéphanie, le lien entre les deux était pas forcément évident. Cependant, il y a une ou deux séquences un peu plus tard dans le show, on y reviendra probablement, notamment entre Daniel Bryan et Mick Foley qui remettent un peu plus, on va dire recadrent un peu qu'est-ce qui fait que ces deux ces deux GM sont pertinents. Donc en fait, bon voilà, globalement l'intro, elle a... c'était un peu compliqué. Franchement, globalement, ils sont pas très bons tous les quatre, je trouve, en ouverture de show, enfin même dans l'animation. Stéphanie, voilà, rien à redire. Mais alors Shane McMahon et quand Daniel Bryan, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'alchimie entre les deux. Non, je suis assez d'accord. Et que mais... c'était un petit peu compliqué, voilà, pour se passer le, se donner la réplique, etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez vous à ce niveau-là, mais. Si, ouais, je partage un peu ça, mais bon, après, je dirais plus que c'est plus Shane McMahon qui a pas beaucoup d'alchimie avec grand monde, je pense, au micro, parce qu'il est pas forcément. En fait, il est pas forcément raison, super, super à l'aise. Il est pas, enfin, c'est pas le roi de la promo. Il a jamais été vraiment, je trouve, excellent dans ses échanges avec Stéphanie. Il est d'ailleurs, ils sont toujours assez drôles leurs échanges parce que finalement, ils s'envoient un petit peu des grosses vérités à la gueule et c'est un peu genre tout ce que tout le monde pense parce que genre quand il balance là que Stéphanie elle est là parce que c'est la femme de Triple H et Stéphanie passe son temps à dire que son frère ne fait que de la cheap pop et n'est tout le temps que à genre dire le nom de la ville et à balancer des saucisses un peu faciles, en fait oui c'est ça, c'est, il fait que ça et généralement il est pas extraordinaire au micro, ce qui fait que bon bah Daniel Bryan à côté de ça il arrive et ils ont un petit peu du mal à créer une dynamique de duo. Mais après j'ai envie de dire un peu la même chose pour Mick Foley et Stéphanie quoi, le duo est surprenant aussi. Si ce n'est que moi je veux dire, moi à la limite je suis pas trop inquiet là-dessus parce qu'à mon avis Daniel Bryan et Mick Foley ont été choisis pour être vraiment les GM et donc être ultra présents au quotidien. Je pense qu'on verra beaucoup moins les quatre en même temps à la télé à partir de la semaine prochaine. Donc ces situations un peu pas terribles, oui en effet, c'est vrai que c'était pas un super segment d'intro, hormis la pop stratosphérique de Daniel Bryan, ces situations ne seront pas trop amenées à se reproduire, parce que par contre on a pu voir plus loin dans le show, comme tu as dit Yarem, que Daniel Bryan et Mick Foley, à mon avis, ça marchera mieux. Ils peuvent avoir de meilleures interactions entre eux, ils sont plutôt sur le même créneau. Donc voilà. Mais en effet, je partage un peu ce sentiment. C'est mon intro un peu mou du genou. Heureusement que Daniel Bryan est un dieu vivant et du coup a réveillé tout ça. Mais ah, ça y est, une ouais. Nouvelle statue dans le jardin de Giscard. Celle de Daniel Bryan. Non, voilà pour moi. Ouais. Alors de mon côté, je suis plutôt d'accord avec vous. Alors c'est surtout au niveau de la forme que je trouve que c'était vraiment pas abouti. Hein. C'était brouillon, quoi. Ouais. Effectivement, l'alchimie fonctionne pas trop. On voit bien que Mick Foley, il a l'air un petit peu perdu comme ça. Il était complètement absent. Hein. Ouais. Et, il a pas reçu en plus la pop qu'il espérait, je pense. C'était un peu moyen. Ouais, c'était comparé à Daniel Bryan. Les gens visiblement attendaient Daniel Bryan de toute façon. Oui, mais c'est pas fait un peu remonter les bretelles par Stéphanie en live ou recadrer un petit peu Mick Foley. Il y a un moment, il y a une séquence, il commence à parler de la. Ouais, elle lui parle dans l'oreille, mais ouais. je sais pas ce qu'elle lui dit. Ouais. En tout cas, ça faisait brouillon, quoi. Hein. Ça faisait. Ah, mais après, on l'entendait plus. Elle a pas vite. Ouais, c'est ça. Il a dû être un petit peu choqué ou je sais pas. En tout cas, effectivement, il avait l'air absent. Bon, déjà, quand j'ai vu arriver les deux McMahon, j'en avais déjà marre. Mais voilà. Ouais, il est temps que ça se termine, ça, hein, parce que c'est plus possible. Mais par contre, la grosse nouvelle qui m'a fait plaisir, c'est l'annonce du tournoi cruiserweight, enfin de la section cruiserweight à Raw. Ah oui, merci. Oui. C'est passé un peu. Sous le radar. Ouais, à mon avis, ça va faire de gros changements dans les semaines à venir. Hein. Ça va donner un bon intérêt à Raw. Hein, parce que, c'est surtout là la surprise, c'est que c'est Raw qui visiblement va héberger cette division. On n'aurait pas forcément pensé à ça. C'est ça, on aurait plus pensé à SmackDown. Mais en même temps, pour moi, c'est plus intelligent de mettre ça à Raw parce qu'il y a 3 heures de show. Ouais. Exactement. Qu'ils nous mettent une bonne heure de Cruiserweight, ça va être spectaculaire. On va moins s'emmerder pendant Raw, je pense. Et voilà, dès qu'ils ont annoncé ça, je me suis dit, ça y est, ils sont sur la bonne pente. Et ouais, je suis très, très d'accord. Et après, voilà, arrivée de Daniel Bryan, et voilà, Mick Foley, c'est cool aussi. Voilà, du changement et ça et l'essentiel. Plus de changement. Après, voilà, c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est, c'était brouillon. Hein. On est obligé de dire que c'était brouillon. On voit qu'ils ont fait ça à la va-vite et que et qu'ils créent quand même une. Enfin, on en reparlera, je pense, plus tard. Mais ils créent du contenu pour le network aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis grand-chose à l'antenne de vraiment flashy. Le reste se faisait sur le network. Mais puis le, je pense le plus gros souci pour Mick Foley, c'est surtout qu'on le voit vraiment régulièrement depuis depuis quelques mois. Donc oui, ça y avait moins d'effets de surprises comme Brian. Il n'y a pas de grosses surprises et puis surtout ce qu'il a fait ces derniers mois, à chaque fois c'était très improvisé. Il y a des moments où il a oublier ce qu'il devait dire. L'interview de, je sais pas si vous avez vu l'interview de Shane sur le network, mais c'est une calamité quoi. C'est juste il sait pas faire des interviews. Il va un peu dans tous les sens. À un moment, il pose une question un peu indiscrète. Ensuite, il dit oh ben on va passer à autre chose. Alors finalement, on a plus de temps. Enfin bref, il est et bon, c'est Mick Foley quoi. Il, est, bah, il en a pris des coups sur la cafetière. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors on va passer au premier match. Le tag team fort original, Sami Zayn et Cesaro contre Owens et Jericho, qu'on a jamais vu. Peut-être qu'on l'a jamais vu, remarque. Hein, on les voit tellement, il y a tellement de combinaisons, donc peut-être qu'il y a un truc qui a changé, on ne sait plus. Mais je vais le raconter le plus rapidement possible. Donc Jericho maîtrise Sami Zayn au début, mais Zayn joue de sa vitesse pour reprendre le dessus. Il est néanmoins déconcentré par Owens et Jericho en profite pour le prendre par derrière. Hein, rien de spécial là-dessus. Owens prend le relais et piétine Zayn, enchaînant avec un tombé de 2. Jericho reprend la main et Zayn semble complètement dominé et lessivé. Entre parenthèses, Owens profite de l'inattention de l'arbitre pour caser quelques cheap shots sur Sami. Zayn est balancé dehors par Jericho, puis réussit à éviter Owens, puis Jericho et puis il évite Jericho et il les met hors d'état de nuire. Ah oui, bah, donc du coup il les assomme sur le bord de sur le côté du ring. Il rampe dans le ring pour taguer Cesaro. Cesaro enchaîne des uppercuts sur Jericho, évite Owens, qui est venu couper sa course avec un dropkick. Il y a un tombé de 2 sur Jericho. Jericho contre un Cesaro, donc il contre un Cesaro swing en roll-up, un peu bizarre. Cesaro fait un springboard corkscrew, je crois. Uppercut, enfin, je n'ai pas su déchiffrer les propos de Michael Cole. Donc sur Jericho, to count, Jericho case un Enziguri, les deux sont à terre, Zayn et Owens sont tagués, ils se foncent dessus, Owens domine jusqu'à ce que Zayn contre une pop-up powerbomb avec un dropkick. Jericho se tag, puis Zayn tag Cesaro. Jericho tente un wall of Jericho sur Cesaro, mais ce dernier réussit à placer un Cesaro swing. Cesaro tag Zayn, qui croit que c'est encore Owens qui est légal, et Jericho le surprend avec un roll-up, mais Zayn renverse avec un autre roll-up. Victoire de Zayn et Cesaro. C'était fort détaillé, désolé. Mais bon. c'est passé beaucoup de choses dans ce match. Ah, bah il y a de la technique voilà, hein, là-dedans. C'était un match fort, rapide et efficace, comme ils savent le faire. Voilà. Ils n'arrivent pas à faire un mauvais match. De toute façon, ils ne peuvent pas faire, mauvais match. Donc voilà. Vous avez quelque chose de spécial à dire ou la même chose que la semaine dernière? Ouais, non, c'est excellent. Moi, je mentionnerais juste que j'ai trouvé ça très très bien que ce soit Zayn qui prenne la victoire, parce qu'il en avait plus besoin que les autres, je pense. Donc c'est bien, juste avant le pay-per-view, de lui avoir filé une petite victoire avant son match. Voilà, sinon, après... du très classique entre les quatre, mais du très classique derrière classique, ça veut dire très très bon. Enfin, voilà, super match de weekly. Fait toujours plaisir de commencer l'émission là-dessus. Quoi. Moi, j'ai bien aimé le moment selfie de Kevin Owens là. Ah oui, oui, sourire oui, à la oui, caméra, oui. Là, j'étais mort de rire. Oh là là. Et ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est à la fin du match, après la victoire de Sami Zayn. Il y a Jericho qui pleure littéralement en levant le bras en disant mais non c'est moi qui ai gagné, vous êtes dégueulasse. Il pleure comme un bébé, j'étais mort de rire. Voilà, puis sinon le match était propre, hein, effectivement. Moi j'ai rien à ajouter, effectivement. J'ai kiffé le petit selfie de Kevin Owens qui pour moi est encore une petite preuve que c'est le catcheur ultime qui a conscience de tout. Il est omniscient, ce mec. Le sens du détail. Ah ouais. Bravo l'artiste. On est revenu après en backstage avec Daniel Bryan qui a dit bonjour à Goldust et Titus O'Neil et Jack Swagger, je crois. Ouais, c'était belle lunette. Voilà. Et Stéphanie vient et le traite de paysan et de Chucky. Voilà. Et Bryan lui dit elle a rien d'autre à foutre et voilà, c'est tout. Donc, Alberto Del Rio contre Darren Young. Miz et Maryse sont aux commentaires. N'oublions pas que Darren Young se battra pour la ceinture intercontinentale contre le Miz à Battleground. Del Rio se concentre donc sur le bras gauche de Darren Young en le balançant sur un poteau puis en le tordant au maximum. Il y a un ou deux botches de Del Rio quand même assez flagrants. À un moment, il tente une ciguerie dans le vent. Au-dessus de Young, alors on sait pas qui est responsable, plutôt Young ou Del Rio, mais c'était quand même le match était court et ils ont réussi à pas faire un truc très propre. Miz donc à un moment monte sur le ring pour déconcentrer Darren Young et il se prend un gros pain de Darren Young. Del Rio réussit un roll-up sur Darren Young mais l'arbitre ne le voit pas parce que forcément il est déconcentré par le Miz. Puis Darren Young fait un roll-up accompagné d'un bridge sur Del Rio et gagne le match. Belle variante. Voilà, c'était joli, c'est assez original. Donc voilà, et j'ai marqué fun fact, Darren a des bandages marqués Block the Hate, il devrait les donner à Roman Reigns. En effet. Ouais. Voilà, vous avez pensé quoi de ce petit... ce vrai match de Darren Young, parce qu'il n'avait pas eu de vrai match. C'est l'intérêt de ce match, c'est de vraiment nous montrer que Darren Young a... c'est catché. Moi, j'ai trouvé ça... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il ressemble vraiment à John Cena? Mais j'ai trouvé qu'il catchait aussi pas mal, vachement, comme John Cena. Je sais... Il a une manière de... Darren Young ressemble à John Cena. Oui. Ah ouais, Darren Young a la même tête. Ah oui, c'est le Black Cena. C'est fou. C'est fou. Tu pars en Black John Cena, c'est le même. Enfin, maintenant, John Cena, il a un peu vieilli, mais à l'époque... Mais est-ce que John Cena ne serait pas le White Darren Young? Non, bien évidemment, c'est dire des conneries. Arrêtez de dire des bêtises. Non, que penses-tu de ce petit jeune là qui voudrait prendre la place de John Cena là? Visiblement, c'était un usurpateur. C'est un usurpateur. Pour revenir sur le booking, moi, je suis un peu sceptique. Un peu sceptique de ce qu'ils veulent faire. Avec Darren Young, ça peut être intéressant à condition pour moi qu'il gagne pas la ceinture dimanche. Ou alors il va falloir être drôlement inventif pour pouvoir faire un run divertissant et crédible derrière ça, parce que pour le moment il gagne sa Battle Royale sur une absence de gagnant, enfin c'est sur un malentendu, c'est le mot que je cherchais, mais il gagne un peu sur un malentendu. Jean-Claude du catch. Là aujourd'hui, juste avant le pay-per-view, donc il a son premier 1-1 contre Del Rio et il le gagne au bout de 2 minutes, encore une fois un petit peu sur un malentendu cette fois, mais bon, sur une grosse distraction, sur un roll-up, c'est typique la victoire des outsiders, complètement un peu volée quoi. Du coup, il arrive avec zéro momentum au pay-per-view quasiment, parce que il va se présenter face au champion, avec un booking très particulier quand même. Donc, je suis un peu sceptique là-dessus. Ça peut être intéressant dans une optique de cette histoire là, Meg, Darren Young, Great Again, cette histoire un peu de rédemption avec son coach loufoque Bob Backlund et tout. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de temps. À ce moment-là pour mieux raconter cette histoire, et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être pas qu'il gagne la ceinture tout de suite, parce que ce serait un peu bizarre pour l'instant il connecte pas très encore pas très bien avec le public sait pas forcément comment réagir avec lui. Donc voilà, j'espère juste qu'ils vont pas rusher les choses pour faire un run comédie avec la ceinture intercontinentale et qu'ils vont prendre un peu leur temps. Voilà, c'est ma seule crainte par rapport à ça. Juste pour noter, quand même, le public la semaine dernière avait gueulé du Darren Young. Hein. Oui, oui. Bon, ouais, c'est plus du one shot. C'était pour déconner. C'était surtout pour déconner. Zack Ryder, quoi. C'est ça. Mais, voilà. Ça, c'est pas sérieux. puisqu'il voilà, il se souvenait plus du nom de Bob Backlund, alors ils ont pris Darren Young. Mais ouais, bah, moi j'étais déçu de la prestation de Darren Young. Tout ça pour un truc vraiment pour limite. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était pas en adéquation avec Del Rio, mais ça, carrément. Ouais, c'était pas un beau match, je trouve. Ah bah oui, ça c'est... Ouais. Non, ouais, 2 minutes, il n'y avait pas grand-chose. Après, je sais pas, ils en font ce qu'ils en font, de Darren Young, mais je m'attends pas à grand-chose de lui, au final. Il y a beaucoup mieux quand même dans le roster. Bon, c'est sympa qu'il ait sa petite minute de gloire, mais faut pas que ça dure trop longtemps, je pense. Mais bon, à voir. D'accord. D'autres avis ? Non, à voir, mais vite fait, quoi. Ouais. Vite, en deux semaines, pas plus quoi. Battleground, ouais. Juste sur l'intérêt, on en reparlera quand je parlerai du passage sur le network juste après SmackDown. Mais il y a eu un passage avec Bob Backlund et Darren Young, et franchement, c'était très drôle. Ils étaient très drôles tous les deux. Donc ils peuvent. Ah bah, ils ont le temps pour faire des promos. Ouais, je pense que ça peut fonctionner. Hein. Moi, je le condamne pas. Je dis juste attention à pas aller trop vite avec du truc un peu bancal qui finalement casserait un peu tout le travail qui a été fait sur cette ceinture par le Miz et tout. Je trouve ça c'est dommage. C'est toujours plus difficile de partir d'un champion pour en faire quelque chose, un personnage, et que la foule embarque dans ce sens-là. Ouais. Toi, c'est un peu risqué. Si tu fais d'abord un champion et que les gens doivent apprendre à connaître le catcheur et sentir chez lui, après, c'est difficile. Bon, parlons de choses sérieuses. Vous savez de qui je vais parler juste après. Rien n'est sérieux dans le cage, donc... Bon. Super Cena arrive dans l'arène et il rappelle son match à Battleground, donc contre AJ Styles et le club. Tu peux les appeler le Beach Club, hein, c'est tout le monde comprendra. Club Mickey. Et donc... il dit qu'il va gagner car il est avec les Certified G's, bien sûr, la Team Soft. Forcément, la Team Soft, Enzo Amore et Cass. Colin Cassady, plutôt. J'essaie de dire son nom en entier, je n'arrive pas. Ce dégoût. Colin Cassady, c'est pas facile à dire. Bref, la Soft Team qui arrive. Donc, Enzo tourne comme un malade mental autour du ring, à deux doigts de rentrer dans Cena d'ailleurs. Il prend la parole et il dit qu'il juge toujours un livre par sa couverture car il n'est pas assez stupide pour les lire. J'en ai traduit quelques-unes, il y en a qui ne sont pas faciles à traduire. Hein. Il dit que sans laideur dans ce monde, il n'y aurait pas de beauté, donc merci Luke Gallows. Il enchaîne en disant « Le seul moment où les femmes ouvrent la bouche pour toi, c'est pour bailler. » C'était un festival. Ouais. Cena est en plein fou rire hein, dans le coin du ring. Karl Anderson. Il dit que Karl Anderson est comme le Times New Roman. La police Times New Roman. Elle est générique au possible. Et il continue. Je suis désolé d'être celui qui retire le sein de la bouche du bébé, mais la seule fois où vous trois gagnerez contre nous trois, c'est le 35 du mois qui n'existe pas. Enfin, je l'ai adapté. Ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est pas évident à traduire, mais c'était ça. Il y avait un petit passage sur la coupe de cheveux de AJ Styles aussi, qui compare Mom. Avec la Soccer's Mom, c'est un classique. Ce qui est gonflé de la part d'Enzo quand même. Oui, ce qui est gonflé de se foutre de la gueule de la coiffure d'AJ, mais qui est vrai est assez ridicule et le coup de la mère de joueurs de foot, c'est une vanne classique aux États-Unis. Donc. Du coup, ça... Et le passage un peu glauque aussi après, c'est quand il dit s'ils veulent trouver de la compassion, donc sympathy en anglais, ils devront regarder dans le dico entre spit, donc craché, et syphilis. gros trash talk. Hein. C'était pas mal. Et donc ils finissent par dire ils sont le meilleur trio du monde, tout comme Nirvana, les Trois Mousquetaires, et ensuite ils disent n'importe quoi, genre le Wu-Tang Clan, qui a donc plus de 10 membres en vrai, enfin bref. Le club arrive, AJ Styles a une veste avec... j'ai remarqué, alors je sais pas s'il l'avait déjà, mais bizarrement j'ai remarqué que cette semaine qu'il avait une veste avec des kanji dessus, enfin bref, ils sont vraiment japonais. Ça fait un petit moment, enfin depuis qu'ils se sont officiellement remis tous les trois, j'ai l'impression qu'il l'a maintenant, ça. D'accord. Et donc Luke Gallows parle de de leur mince, j'ai marqué chemistry, leur union, enfin leur alchimie, leur entente, ouais, voilà, ouais. Leur alchimie, et aussi de sa haute, enfin sa femme, sa femme super bonne très, très, asiatique, très chaude. Ce que je trouve à chaque fois, un brin raciste comme un réflexion. Petit peu, oui, je peux pourquoi elle, elle n'a pas de nom, c'est juste une femme asiatique bonasse. Et donc ils disent qu'ils sont une vraie team contrairement à Cena et à la Team Soft, et qu'ils vont bien sûr beat up John Cena, beat up blablabla, bla, bla. Les New Day arrivent à ce moment là et donc apparemment ils se sont bien remis de leur bataille dans les bois. Woods traite AJ Styles de bon vieil ami, enfin old dear friends, ce que j'ai trouvé assez, assez vicieux, hein, pour rappeler que AJ Styles n'est pas tout jeune. Ils expliquent que le gimmick de Cass... ils expliquent donc le gimmick de Cass à John Cena, parce qu'en fait, John Cena n'a pas du tout compris ce que c'est que le soft et tout ça. Et puis Xavier Woods, à un moment, réussit à parler de Pokémon Go et il essaye toujours dans de l'actualité, faire répondre... répondre toujours, le public avec les how you doing à chaque Pokémon qui cite. Enfin bref, tout ça a duré vaguement 20 minutes, voire un peu plus. Voilà. heureusement, on a eu ces moments de pub et ensuite le match a commencé. On va peut-être parler de la promo vite fait. Enfin, ce passage de promo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que vous avez kiffé de bout en bout tout ça? Ouais, je sais, j'imagine qu'il y en a déjà, enfin, parmi mes comparses qui vont dire qu'ils ont trouvé ça trop long, c'est sûr. moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ça me dérange pas qu'ils prennent. Oui, c'était trop long, mais bon, ça me dérange pas qu'ils prennent du temps avec ça. Je trouve que c'était assez, quand c'est bien exécuté, enfin, en tout cas moi je trouvais que c'était assez drôle. J'ai bien aimé le personnage de Cena qui joue le mec complètement déphasé avec tous les jeunes. Il comprend rien, au style ghetto trash talker là de Enzo et Big Cass. Il comprend rien au style un peu geek, geek complètement taré du New Day. Cena, c'est la Fug Life, hein, normalement. Oui, mais enfin tu voilà, tu vois, il joue un peu le vétéran qui comprend rien. On lui explique. Je trouve que c'était vraiment assez drôle. Et puis au passage, ça y est, moi personnellement, ça y est, je commence à bien accrocher à la Team Soft. John Cena, je commence à apprécier Cena. Non, mais la Team Soft, parce que je sais pas, chaque semaine, ils faisaient leur petit shtick, là, leur petit truc. Je me disais, bon, ok. Bon, finalement, c'est vrai que maintenant, petit à petit, je trouve que c'est moins long et redondant que les premières apparitions ou leurs premières promos. C'était vraiment toujours juste les catchphrases et c'est tout. Maintenant, ils font des petites variantes avec leur système de liste. Il y a Enzo qui fait souvent un peu le foufou avec ses punchlines. Maintenant, pareil, comme ça. Je trouve que du coup, maintenant, je suis content quand il y a leur musique qui arrive. Je suis content parce que je sais qu'on va se marrer et qu'a priori on va passer un bon moment, que ce soit dans le ring ou au micro. Donc voilà, je trouve qu'ils se sont bien installés. Giscal, tu t'es complètement projeté dans John Cena, parce que là en fait maintenant John Cena, ça y est, bon, il a compris la Team Soft, donc il les kiffe, et toi c'est pareil, c'est ça, voilà, tu te projettes, t'es John Cena, quoi. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que j'aimerais? Non, j'aimerais pas, parce que du coup, j'aurais plus personne à idolâtrer. Mais voilà. Bon, tout ça pour dire que moi, j'ai passé un moment et je trouve que c'est ce type de promo, c'est ce type de segment, quand ils sont bien faits, qui font que ça installe bien des équipes vis-à-vis du public, et ça leur donne vraiment une sorte de, c'est pas, un côté un peu pérenne dans leur image vis-à-vis du public. Donc c'est bien, je trouvais que c'était pas mal. Bon, c'est évidemment un peu long. Ouais, c'est ça, c'était un peu long. Après, c'est vrai que t'as raison, ça avait le mérite au moins de repositionner tout le monde. Chacun avait vraiment son gimmick bien appuyé. Et puis finalement, cette séquence complètement foutraque et le match... complètement foutraque qui va suivre, où voilà, ils sont quand même 12 sur le ring à ce moment-là. Ouais. Ça reflète pas mal la fiche du pay-per-view qui est à venir, où il y a beaucoup de matchs par équipe, où il y a beaucoup de 2 contre 2 ou 3 contre 3. Et c'est le gros gâteau, quoi. Faut tout bouffer, c'est sûr que c'est un peu long. Après, comme tu l'as dit, au moins tout le monde a bien récité sa partition, tu vois. Ils étaient tous bien dans leur gimmick. Bon, bah, voilà, ça nous rassure sur le fait que les mecs connaissent bien leur gimmick. Bon, après, on n'avait pas forcément besoin de ça pour le savoir, mais... Non, non, mais tu vois, c'est pas le genre de promo où il y a un moment où tu te dis c'est un peu gênant ou c'est un peu glauque ou un truc comme ça peut être le cas. Là, moi, quand c'est 20 minutes où je me marre bien et je me dis que bon, bah voilà, c'est pour hyper un peu le pay-per-view, je me dis bon, c'est pas très grave, ça on Imagine ce qui rigole. serait passé si Shane avait été rajouté à la séquence. Ah bah voilà, là c'est casse-couille. Ah, c'est casse-couille, voilà. C'est tout. C'est tout Savant votre honneur. dosage d'ingrédients. Hein. Non, moi j'ai trouvé vraiment impressionnant Enzo. Je trouve qu'il est vraiment de plus en plus fort et effectivement, quand il débarque, on sait que ça va être un bon moment. Après, c'est plus le match en lui-même que j'ai trouvé long que la promo pour le coup. Mais ça, c'est juste pour contredire Giscal, parce que je n'aime pas qu'on me dise à l'avance ce que je vais dire. Tu t'es fait un ennemi. C'est vrai que le match a duré 20 minutes quasiment, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, et puis c'était bordel. Ouais, enfin, on en reparlera après, mais. Non, sinon, non, moi j'étais vraiment impressionné. Je vais encore souligner Enzo, qui je trouve, il maîtrise de plus en plus le micro, la foule, les regards. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Hein. C'est un des, je crois que c'est un des meilleurs au micro. C'est un tout petit peu calmé. Ouais, Ouais, un peu moins pile électrique. ouais, c'est ça. Plus efficace, Voilà. Plus posé, voilà. Tranquille. Voilà. Franchement, super. Il est bien. Super. Au calme. Voilà. Tout le monde, il est content. Voilà. Voilà, Peut-être qu'on merci. aille. À bientôt. Non, mais. On va peut-être aller un peu sur On va parler du les. match quand même. Je vais aussi essayer de faire mon résumé express, même si c'est le méga bordel, parce que on le rappelle, c'est un 12-man tag team match, c'est-à-dire 12. Sina. Non anglophone. Toujours cette voilà. excellente adaptation de Hank. Sina, la Team Soft, New Day contre les Wyatt et le club. Parce qu'on n'a pas. Oui, je ne vous ai pas précisé, les Wyatt sont arrivés, mais ils n'ont pas eu une seconde de promo ou quoi que ce soit. Donc, ça commence. Sina contre Eric Rowan, qui tag Luke Gallows. Sina, il fait un regard assez flippé parce que Luke Gallows fait 2 mètres, quoi. Et, ça fait un peu peur. Il tag Biggie. Biggie case un belly to belly à Gallows. Braun Strowman se tag et il balance Biggie par terre. Enzo Amore se tag lui-même, il se prend un coup et on décide que ça sert à rien de le mettre dedans, donc du coup casse le tag et il fait face à face à Braun Strowman, même taille apparemment. Strowman attaque Cena. Ok. Désolé, je suis en plein marathon là. Strowman attaque Cena sur le côté et c'est le bordel, tout le monde se bat dans le ring. Cass et Strowman se retrouvent. Cass lui met une big boot. Kofi se tag, mais rate son saut sur Braun Strowman. Donc Braun Strowman qui power slam Kofi Kingston. Bray Wyatt remplace Braun et martyrise Kingston. Je ne sais plus. Je suis déjà perdu dans mon texte. Et Kingston réussit à s'en tirer pour taguer Cena. Bray Wyatt surprend Cena avec sa célèbre araignée. Hein. Donc Braun Strowman revient juste après dans le ring. Il coince Cena dans le coin, justement. Puis Eric Rowan se charge de fatiguer Super Cena avec quelques coups. Il tente de lui écraser la tête entre ses poings. C'était assez bizarre. Et Styles récupère le champion. Puis Lucas, une sorte de attitude adjustment, mais avec un genou dans le dos pour la réception. Gallows ouais, et Patterson se relaient. Ils font chacun un tombé de deux sur Cena. Cena se sort d'un duel avec Bray Wyatt. Ensuite, il tag Cass qui défonce tout le monde. Cass un Empire Elbow à AJ Styles. Blablabla. On va arriver à la fin. Ça se finit avec Enzo et AJ Styles au milieu du ring. Enzo fonce dessus mais rentre dans Cena par inattention. Et AJ Styles met un Styles Clash à Enzo Amore et gagne. Donc la team Heal. Voilà. J'ai un petit peu. Au bout d'un moment, j'ai fait un bout de texte parce que sinon c'était vraiment trop long. On avait aussi Xavier Woods qui fait quelques petits trucs héroïques en sautant sur tout le monde à l'extérieur du ring. Ah, il faut savoir couper de temps en temps, t'as eu raison. D'ailleurs, Xavier Woods qui je trouve, ces temps-ci. C'était un bon spot d'ailleurs, ça. Ces temps-ci, il muscle son jeu, comme dirait Aimé Jacquet. C'est-à-dire qu'il catch, quoi. Donc, du coup, forcément. Avant, il était le trombone. Forcément. Donc, forcément, ça, tout de suite, c'est, ça te donne l'impression d'un mec plus baraque, quoi. ouais, bah, rapidos, du coup, parce que sur le match, mais. Moi, j'ai pas trouvé. Je suis jamais super, super fan des gros clusterfuck là. Enfin, genre, les bordels comme ça. Il y avait trop de monde là. Ouais, il y avait trop de monde, donc c'est illisible. Et t'as. Bon, voilà, c'est très classique. Tu sais exactement comment ça va se finir avec tous les finishers à la fin et tout. Ça, c'est rigolo pour faire passer tout le roster des divas. Quand on sait pas quoi foutre d'elle, mais pour les mecs, je trouve que ça passe moins bien parce que, enfin, ils ont pas besoin de ça. On a du mal vraiment à faire briller tout le monde, je trouve, dans ces cas-là. Même les si femmes, on hein. est... pour toutes nos auditrices, ce sont les femmes, pas les. Oui, pas les divas, pardon. J'ai des mauvais réflexes. Donc, mais par contre, bon, même si on a du mal à faire briller tout le monde, en effet, le spot de, enfin, le Xavier Woods, le fait qu'il soit dans le ring, c'est à souligner parce que je trouve qu'en effet, il le fait pas mal. Il a fait un très très joli sorte de gros, enfin, moonsault par-dessus la troisième corde là, en prenant son élan là, c'était vraiment pas mal. Mais sinon, pas bah, énormément de trucs à dire sur le match. C'était relativement standard. Moi, je suis juste content que Styles ait gagné et parce que ça donne une petite victoire quand même au club, ce qui je pense ne sera pas le cas dimanche, donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Ouais, je peux enchaîner alors. Oui. Non, bah, c'était très brouillon. Je vais aller assez vite. Le seul truc qui, enfin, outre que ce soit brouillon, bordélique, etc. C'est la close line d'Enzo Amore sur Cena, ouais, à la fin. Un peu molle, hein. Elle était carrément molle. Il sort du ring, il est sonné sur un truc. Le bras d'Enzo, il se plie dans l'autre sens, quoi, quand il touche Cena. Bah oui, il est en titane. C'était pas super crédible, mais bon. Je pense que le bras d'Enzo pèse une main de Cena. Mmh. Oui. C'est ça. Ils auraient peut-être un doigt. Ouais, bah oui. Mais voilà. Ouais, non, le spot finish était un peu foireux à cause de ça. Mais après, beaucoup trop de monde pour que ça fasse quelque chose de lisible de toute façon. Puis voilà, quoi, on va pas passer 3 heures là-dessus, je pense. Non, bah, rien à ajouter. Passons à la tête. D'accord. À voter. Donc, on a un truc un petit peu original. Après, c'est Seth Rollins qui fait une promo seul dans l'arène avant le show. Un petit peu théâtral. Donc il raconte son histoire avec le Shield, il regarde vers l'horizon un peu comme s'il se souvenait du passé et tout. Donc il dit que Roman Reigns ne sera plus jamais comme avant après cette absence et que néanmoins il a quand même réussi à tous les manipuler pendant toute l'histoire du Shield et qu'il battra Dean Ambrose ce soir. Et les deux autres Shield, donc Dean Ambrose et Roman Reigns à Battleground. Donc voilà, parce que on l'a pas dit, mais enfin on le rappelle, on l'a dit la semaine dernière, il y a un match ce soir pour la ceinture entre oui. Rollins et Ambrose. Donc une séquence assez originale, et puis pendant toute la séquence, en fait, il était en train de descendre les marches de l'arène jusqu'au ring pour finir sa promo au bord du ring, il me semble. Donc voilà, si vous avez un mot, hein, 10 secondes, un truc à dire là-dessus, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez trouvé ça ridicule? Ridicule, ah ouais. C'est le truc où ouais. Il est tout seul dans l'arène, là. Il parle, ouais. Voilà, ouais. Un mec qui est tout seul, qui parle tout seul dans l'arène, ouais, non, c'était nul. T'as trouvé ça nul? Ouais. Moi j'ai trouvé ça bien, parce qu'au moins il tente des choses, toi, c'était original. Et surtout quand on connaît, enfin, ça fait que confirmer vraiment le, comment dire, comment cette Rollins ressent tout ça, toi, ça correspond vachement bien au personnage, ce mec qui réfléchit beaucoup et qui voilà, qui a tout perdu du jour au lendemain sur cette blessure et bah cette arène vide, ça représentait vachement ce côté bah qu'il était blessé, bah, le mec il y avait plus rien, toi, il a fallu tout reprendre depuis le début. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans sa tête à un moment donné. Alors oui, la mise en scène était assez grotesque, mais bon, au moins ça avait le mérite d'être original. Je sais pas si c'est forcément bien réalisé, franchement, moi j'ai trouvé ça cool. Enfin, je trouve que c'est le message, la promo et tout, voilà, bon, ça avait du sens. Et puis juste pour le côté déjà original, ça casse complètement avec ce que tu as l'habitude de voir. C'était pas une interview backstage, c'était pas un package vidéo classique et tout. Ça avait vraiment, puis ça avait un côté vraiment, je trouve, c'est un peu du style des promos que tu as souvent. Pour WrestleMania, tu vois, genre c'est les promos, tu vois, où les mecs commencent à se monter un peu le soir, enfin pour le title shot, souvent pour les matchs, pour le titre, tu vois des portraits un peu des challengers et des trucs un peu spéciaux comme ça pour eux, où ils donnent ça donne beaucoup d'importance, je trouve, au match pour le titre qui va arriver derrière. Donc moi ça m'avait fait monter un peu en température, encore un peu plus pour le main event, ce package vidéo, parce que c'était vraiment très original, très dans la tête de Seth Rollins. Ça donnait envie du coup pour le main event de derrière. Donc bon, ça, on en reparlera après. Symbolique ringside, la symbolique. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment voilà, je trouve c'est original et très cool. Mais ça fonctionnerait mieux si c'était pas le méchant dans l'histoire, Seth Rollins. Ah oui, mais c'est ça, c'est encore toujours la même histoire, mais à chaque fois ils font des, voilà, oui, alors c'est pas parce qu'il persiste dans les erreurs que je vais dire que c'est bien, quoi. C'est... Enfin, en tout cas, sur moi, ça fonctionne pas. Alors, après... Il manquait clairement quelque chose. Moi, j'étais vraiment partagé dans ce passage, parce que je l'ai trouvé ça. D'un côté, il y avait des. En fait, ça montait, ça descendait. Genre, il y a des moments où je me disais, non, c'est kitsch. Et juste après, je me disais, ah, mais c'est cool, parce que c'est genre. Enfin. Ça a ce côté dramatique. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il tente une espèce de monologue je veux pas dire d'une tragédie, mais ouais, il essaie de faire une sorte de monologue de tragédie. Et c'est loin d'être parfait. Peut-être un peu ridicule, mais s'ils arrivent à faire un truc dans cette veine-là, moi, je suis client, tout ça. Le catch, le théâtre de la vie. voilà. On a un petit peu de backstage encore. Shane qui vient voir Mick Foley en coulisses et il lui dit qu'il pense qu'il va pas durer plus de 6 mois avec Stéphanie. Ils vont pas du tout s'entendre parce que voilà, Mick Foley c'est un face, Stéphanie une heel, et puis surtout Stéphanie connue pour être ultra autoritaire. Et donc il prévient Mick Foley que sa sœur est le pire choix pour travailler. Et Mick Foley lui dit que ce qu'il voit dans Stéphanie, c'est surtout une passion et une motivation sans pareil. Hop, là, comme toi, grosse merde. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas mal parce que, enfin, bon, il y a vraiment que les gros fans qui vont, je pense, capter la vanne. Mais les Shane en vacances, les Shane qui vient au bout de 3/4 du show, les Shane qui transpire. Bon, ouais, voilà. Qui transpire comme un porc. Ouais. Shane temps partiel, voilà, on sait un petit peu son emploi du temps et ses priorités. On va voir si ça change, mais bon, on va passer à une vraie séquence, à une séquence avec du, comment dirais-je, de la substance. C'est bien entendu. Le Jobber's World. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Le monde des jobbers est très petit cette semaine. On apprend que Kalisto et Sin Cara se séparent. Sniff. Et Sin Cara se bat contre Baron Corbin. Sniff. Baron Corbin gagne grâce à... Sniff avant le match même. Corbin gagne grâce à un End of Days. Kalisto arrive pour éviter à Sin Cara de se faire martyriser. Mais Baron Corbin se tire... Puis revient pour défoncer Kalisto. Ça n'a aucun sens, mais tant pis. On va passer à des vrais matchs. Donc le Jobber's World est déjà fini. Oui. C'est bref. On va passer aux femmes. Charlotte, Dana Brooke contre Sasha Banks et Becky Lynch. On apprend que Becky Lynch sera donc contre Natalia à Battleground, hein, si ça n'avait pas été confirmé, au moins ils l'ont rappelé. Donc on aura Charlotte et Dana Brooke contre Sasha Banks et la femme mystère. Un indice, elle porte beaucoup de couleurs sur elle. Tu t'avances un peu trop, je trouve. Ouais, on ne manquera pas de te le rappeler la semaine prochaine si tu t'es chié dessus. Franchement, si je me chie dessus, bon, franchement, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Mais bon, Natalia donc vient au bout de 2 minutes du match bizuter Becky Lynch. Il y a une disqualification. Charlotte en profite pour attaquer Sasha par derrière. Dana Brooke et Charlotte s'occupent de Sasha Banks par terre. Match à chier et pas fini, j'ai noté. Voilà, je pense même pas que ça mérite vos commentaires. Mais allez-y. Pas... Comme vous voulez. 10 secondes. Jusqu'à là, toujours un truc à dire. 10 secondes ? Ouais, moi j'ai toujours un truc à dire. Moi je veux juste me concentrer sur Becky Lynch et Natalia, parce que je trouve ça nul. C'est rare parce que d'habitude, moi, quand on me propose une feud genre très simple, un gentil, un méchant, ils se foutent sur la gueule, ils s'aiment pas, moi, ça me suffit. Et du coup, je marche et j'ai envie de voir le match au pay-per-view. Là, j'en ai rien à foutre. C'est pas intéressant, c'est bouqué avec les pieds. On ne sait toujours pas pourquoi Natalia continue d'harceler, d'agresser Becky Lynch qui lui a rien fait. Toute cette rivalité est partie d'un turn complètement random où d'un seul coup, Natalia a pété un câble, elle a dit que maintenant elle allait s'occuper d'elle, et du coup, manifestement, à la WWE, s'occuper d'elle, ça veut dire agresser les gens qui t'ont rien fait dans le dos constamment. Donc voilà, je comprends pas. Donc du coup, elle passe son temps à lui foutre sur la gueule. Donc Becky Lynch, bon, bah, forcément, elle riposte, et ça nous donne un match en pay-per-view, et on s'en branle. Donc voilà, donc ça, en plus, du coup, ça vient gâcher un match. Bon, là, en l'occurrence, je suis pas trop, trop fâché parce que c'est un match qui avait Dana Brooke dedans, donc j'avais pas envie que ça dure. De base, c'était gâché. De base, c'était gâché, mais voilà, c'est nul, j'aime pas. nul. Ah, quel garce cette Natalia quand même. Non, t'as raison, c'est naze quoi. Ouais, c'est un peu la Sheamus, c'est un peu la Sheamus du monde féminin. Elle attaque tout le monde dans le dos et tout ça. Ouais. Voilà. Ah oui, il y a quand une tag team Sheamus Natalia. Bah voilà. Oui, tiens, voilà une très bonne idée. Et là, je récupère l'antenne pour faire une transition comme vous n'en avez jamais vu, puisque Sheamus était avec Rousseff contre Zack Ryder et Ziggler. Donc au début on a eu Sheamus contre Zack Ryder. Zack Ryder se fait piéger en attaquant Rousseff sur le début. Il se fait bien défoncer. Mojo, oui non. Pourquoi j'ai tapé Mojo Riley? Oh, spoiler. Il y a un mec... Non mais vraiment, j'ai noté pendant le match il y a quelqu'un qui a gueulé I stay hype. Et je sais pas si. Et j'ai noté est-ce que Mojo Riley est sous le ring? Avec le masque de Cody Rhodes. Mix improbable. Donc, Sheamus se fout de la gueule de Rousseff en faisant semblant de le taguer. Zack Ryder réussit à contrer un porté de Sheamus en neckbreaker. On a ensuite Ziggler contre Rousseff. Dolph lui casse un Famouser. Sheamus arrive et casse le tombé de Ziggler sur Rousseff. Ziggler surprend Rousseff avec un roll-up, mais Rousseff s'en sort et case une accolade sur Ziggler qui tape victoire par soumission de Rousseff Crush. Nickel. Ouais. Bah voilà. Hein. Voilà, nickel. Voilà. Merci, c'est beau, c'est beau. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça, c'est le genre de truc. Voilà. Ça, c'est du bon booking. Nickel. Il n'y a rien à dire. Zack Ryder ne perd pas avant son match. Rousseff gagne. C'est le champion. C'est normal. Rousseff et Sheamus ne s'aiment pas parce qu'on connaît leur histoire. Donc, ils se foutent des trucs. Donc, c'est nickel. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Et puis, même en 3,50 à peu près, je crois que c'était ça la durée du match. Des choses en 3 minutes 50. Hein, ouais. Ouais. Tu vois, non, mais on arrive à faire quelque chose un match très solide qui raconte plein de choses et qui fait gagner les bonnes personnes, perdre, en 3 minutes 50, c'était nickel. Contrairement au match tu vois, de 2 minutes qu'on a eu tout à l'heure, Young Del Rio qui était bancal. Voilà, ça c'est bien, nickel. Ouais, et comme tu dis, en plus, ça fait un peu référence au passif entre Rousseff et Sheamus qui sont tag team d'un soir, mais voilà, qui sont pas l'entente parfaite. Donc j'aime bien ça, quand tu as justement ces équipes dysfonctionnelles. Et Rousseff avait à cœur de se venger de sa défaite face à Dolph Ziggler à SmackDown la semaine dernière, je crois. Ouais, en plus. Voilà, parce que c'est pas souvent que Rousseff perd en 1 contre 1. Donc ouais, bien booké. Bravo les gars. Chapeau, chapeau. Quand même pas compliqué. Voilà, c'est ça. Non, ouais, moi j'aime bien Ryder, j'aime bien Rousseff, j'aime bien Sheamus. Ziggler est toujours agréable à regarder. voilà, les quatre ensemble, bien bookés. C'est agréable à regarder. Ziggler est agréable à regarder. Mmh. Ouais, ouais, on va couper ça en montage en fait. ouais, il voilà, ne fait pas son âge, Greg. on dirait un jeune Shawn Michaels. Ça y est, on l'a lancé, c'est bon. Il a mordu ça la y est, c'est foutu. Il a de l'avenir, il a de l'avenir. Ce petit. Je sais pas comment on va faire pour faire une heure et demie. Hein. Ah, c'est pas prévu, je crois. Voilà. Mais ça, ça, c'était juste un mensonge en fait. Bon, et donc du coup. Bon allez, on va passer à la suite, hein, parce que voilà, on va pas. Rousseff, on l'aime tous et c'est le résumé. On a une vidéo promo sur Randy Orton. Donc pour rappeler son retour contre Brock Lesnar à Battleground. Et aussi une récap de Cena au ESPYS. Et donc là, je vais faire une grosse correction parce que j'ai dit n'importe quoi la semaine dernière. J'ai parlé du fait que les ESPYS étaient une sorte de cérémonie pour récompenser un truc genre des shows à la télé ou alors du cinéma. Et en fait, pas du tout. C'est, sur les sportifs. C'est pour les sportifs. Oui. C'est une sorte de ballon d'or américain, quoi. T'avais dit ça la semaine dernière ? Ouais, il me semble que j'ai sorti ça. Je devais pas t'écouter, je t'aurais mais corrigé, je t'aurais défoncé. Je dis beaucoup de conneries et personne ne s'en rend compte. C'est un peu mon talent. Et à ce moment-là, on a la news qui a été spoilée au début de ce podcast, c'est-à-dire que les Cruiserweight reviennent et sont exclusifs à Monday Night Raw. Et on passe au main event. Dean Ambrose contre Seth Rollins. Hey, quel main event. Mmh. En tout cas, l'affiche. Mmh. Oui. Bien, mais l'affiche en effet. Digne d'un pay-per-view. Alors, pour un Raw historique. Alors là, bravo. Historique avec un H. Donc... Un grand I. Avec un grand I. On est out of control. JBL donc dit que Reigns va gagner à Battleground hein, au début. Passons directement au match. Ambrose réussit à dominer par sa vitesse et ses arm drags et balance donc Seth Rollins en dehors du ring. Après 5 minutes, Seth Rollins revient un peu dans la course. Le match est assez lent au départ, mais il réussit à faire le premier tombé de deux. Ils enchaînent les tombées, ils finissent par se rencontrer sur une double clothesline au milieu du ring. Il y a un fisherman suplex d'Ambrose sur Rollins, encore un tombé de deux. Ils font une séquence de contre en roll-up aussi à un moment. Ambrose balance une nouvelle fois Rollins dehors et lui saute dessus. Rollins le balance contre les barrières, réussit un frog splash pour un tombé, mais Ambrose se lève de justesse. Rollins fait un bel enchaînement avec sa prise. Alors il donne pas un nom, mais c'est quand il saute de la troisième corde et fout un genou sur le coin du visage. Je pense que c'est un de ses nouveaux finishers, ou du moins c'est un move qui met en fin de match. Ensuite il fait un frog splash, mais cette fois-ci c'est dans le vide parce qu'Ambrose se décale. Rollins porte Ambrose sur ses épaules et le balance sur un poteau, mais il rebondit avec un dirty deal. Rollins est sauvé en mettant le pied sur la corde. Ambrose sort, nettoie la table espagnole et met Rollins sur la table, mais Rollins réussit à se tirer et remonter sur le bord du ring. Ambrose vient se battre contre lui, donc sur le bord du ring, le rebord du ring plutôt, et lui glisse un DDT pour le remettre dans le ring. Je sais plus exactement comment il a fait ça, mais c'était c'était bizarre. Ambrose tente le saut de la troisième corde et se fait accueillir par un pedigree de Seth Rollins. Il s'en sort encore une fois au compte de deux. On sait pas combien de finishers il se fout pendant ce match, mais c'est Ambrose balance Rollins dans l'arbitre à un moment. Rollins déloge Ambrose du haut du poteau, lui fait un superplex, mais finalement ça fait un double tombé puisqu'ils ont tous les deux à ce moment là les épaules par terre. Et il y a un gros débat dans le ring sur qui a gagné. Les GM et commissionnaires montent dans le ring. Stéphanie annonce que Rollins a gagné, puis il repart avec la ceinture, puis Shane fait exactement la même chose, puis l'arbitre demande de regarder le replay. Finalement on a un match nul. Ambrose garde quand même la ceinture, mais Rollins lui défonce la gueule à la fin en reprenant la ceinture, et puis il s'en va, mais pour on ne sait quelle raison il revient remettre un coup à Ambrose. Donc le coup de la ceinture c'était tout à la fin. Mais voilà. Vous voyez que c'était un petit peu, c'est un petit peu brouillon comme ce que je vous ai raconté à la fin. Par contre, précision importante quand même, l'euro s'arrête moment où Ambrose s'en va avec la ceinture la première fois. Parce que du coup, ce que tu as raconté avec le replay de l'arbitre, le fait que Shane désigne Ambrose champion, qu'il regarde le replay, que c'est un match nul, ça c'était sur le network, ce qui est quand même assez important. Et... Je veux dire que c'est Seth Rollins qui part en tant que champion à la fin de Raw. Oui, c'est ça, exactement. Au moment où c'est coupé. Pour ceux qui n'ont pas le network, j'ai trouvé ça très très bizarre. Franchement, je n'ai pas compris la stratégie. C'est vrai que si tu l'as regardé sur le network, je ne sais pas, mais c'était dans la foulée. Mais du coup, pour ceux qui n'avaient pas le network et qui regardaient le show, bah, par exemple comme moi, j'ai regardé le show sans voir le suivi sur le network, bah, on est un peu perturbé parce que l'émission se termine et Rollins est champion. Oui, pour toi, Seth Rollins c'était champion. Pour moi, Seth Rollins c'était champion. J'ai appris le lendemain que finalement, non, machin. Donc c'était un peu surprenant comme choix. Je vais laisser d'abord les autres parler parce que chaque fois c'est moi qui commence. Mais... Faudrait peut-être penser à lâcher tes 10 balles pour le network. Hein. Non, je l'ai le network en plus. Je l'ai le network, mais j'ai pas pensé à regarder ce qui allait se passer après parce que pour moi c'était fini. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Normalement, il n'y a pas de bout d'euro sur le. C'était un truc exceptionnel. C'est-à-dire contemporain. des derniers mois, ils sont pas sur le network. Donc... Non, mais c'est pas l'after show. Il n'y a pas un after show sur le network. Il y a le pré-show. Il y a le Raw Fallout normalement. Ça c'est un résumé. Ouais. Mais ils ont fait un truc exceptionnel, je crois, pour le. À la Power, pour la suite du machin là, post show, je sais pas quoi. C'est vrai qu'ils font un peu ce qu'ils veulent avec le network un peu. Bah c'est ça, exactement. Attends, hein. C'est l'avantage, c'est à eux. C'est ça. Donc, voilà, à peu de frais. Sinon le match il était vachement bien. C'était un match de championnat avec ce qu'il faut. Il a fait pas mal de frog splash en deux jours, Seth Rollins. Oui. C'est peut-être son animal totem, toi. La grenouille. C'est ça. La grenouille. Se transformer en grenouille à minuit dimanche. Non, on sait qu'ils sont capables de faire du très bon, et puis voilà, quand ils le font, ils le font. Mais après, le final, cette espèce de petit paquet là où les deux ont les épaules en même temps. Je sais pas où ils ont été chercher ça, mais c'est pas. Ça prête plus à confusion qu'autre chose. Hein. Il aurait fallu l'annoncer dès le départ. Quoi. C'était un double count, toi. Ouais, c'était trop flou, trop. Je pense qu'ils ont tenté un truc. Ils sont allés le chercher chez Finn Balor et Samoa Joe. À NXT, qui nous ont joué ce cinéma-là pendant bien un mois et demi. Hein. Des double count. Ouais, des double count. Bah là, mais là. Je sais pas comment tu fais avec une prise comme ça pour arriver à avoir les deux les épaules au sol, c'est n'importe quoi. C'était plutôt bien effectué. Oui, ça c'était. On pourra pas leur reprocher ça. L'idée est bonne, mais ça fait bizarre de voir que sur un petit paquet. Alors dans ces cas-là, ça arriverait à chaque fois quoi. Quand il y a un petit paquet, les deux sont comptés. Enfin, ça fonctionnait pas, je trouve. C'est pas. C'est une tentative qui est encore un peu. En tout cas, ce résultat fait pas mal parler. Notamment, ça a ravivé. Les espoirs humides de certains de revoir un jour la ceinture de champion poids lourd. Parce qu'évidemment, avec deux catcheurs qui repartent en se réclamant tous les deux champions, on a connu ça un peu par le passé. Et on avait déjà deux ceintures, ou des fois c'était la même. Enfin bref, toujours est-il que. Ça a laissé planer cette petite possibilité, bien vite effacée, on verra à SmackDown, mais match solide, j'ai bien aimé quand même qu'ils nous fassent ce title match, c'était la petite cerise sur le gâteau quand même. Maintenant, c'est vrai que tout ça, ça m'a fait complètement oublier Roman Reigns quand même, clairement, tout est autour de la rivalité entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Je suis un peu. C'est pas con, ça. Hein, il lance une pseudo. Comment dire merde, c'est quoi le mot? Quand il y a une controverse, voilà. Petite controverse bien créée scénaristiquement pour faire oublier la controverse de Roman Reigns. Ouais. C'est judicieux. Chapeau. Chapeau. Non, non, mais... non, c'était chapeau, juste. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, moi, je suis d'accord. Mais et puis, je dirais juste. Enfin, il y avait vraiment une grosse ambiance de big match, quoi. Enfin, il y avait. Ah oui. Moi, je trouve que à l'entrée des catcheurs, avec en plus les deux GM, les deux commissionneurs qui étaient au bord du ring, l'entrée des catcheurs, il y avait une vraie grosse ambiance. Enfin, on se croyait en pay-per-view. Moi, limite, j'étais vraiment chaud comme la braise pour ce match, et j'ai été un peu refroidi par ce finish. C'est dommage, hein, parce que le match était vraiment excellent. Et bon, on a passé tout le déroulé des spots et tout. Bon, il y avait des bons spots. C'était peut-être pas le meilleur match entre les deux, mais il était très solide. Et j'ai trouvé que il y avait un gros souci du booking sur Dean Ambrose, qui était quand même booké très fort pendant ce match, enfin très résistant dans le sens face indestructible, parce qu'il en a quand même bouffé, hein, tu l'as dit dans ton résumé, Hank, il en a bouffé des spots, du pedigree, des contres, des frog splash, enfin il a pris toute la panoplie de Rollins plusieurs fois, sans que Rollins lui par contre en parallèle ait pu vraiment se relever d'un Dirty Deeds ou un truc comme ça, je crois pas, hein. Ah si, il en a mis un Dirty Deeds, oui, il en a mis un. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé qu'Ambrose... je crois qu'il ne s'est pas relevé, en fait, c'est celui avec le pied sur la corde. Ah oui, c'est celui avec le pied sur la corde, oui. Mais du coup, enfin voilà, j'ai trouvé qu'Ambrose avait été booké très fort, que c'était quand même bien, parce que ça, plus sa promo de la semaine précédente, plus voilà, ce début de règne de champion, voilà, je trouve qu'on apporte du soin à son personnage et du soin dont il avait besoin. Donc c'était vraiment très bien. Moi, j'ajouterais juste que ce match-là, ouais, avec ce finish justement, j'aurais préféré le voir à limite à SmackDown, parce que j'ai bien aimé justement le fait que l'image finale qu'on retienne. Alors, tu effaces vraiment tout le côté brouillon. Imagine que vraiment, clairement, à la fin de l'épisode, on te dit, voilà, c'est double count. Les mecs n'ont pas réussi se départager. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Les deux mecs représentent, sans trop en dire, les deux mecs représentent un peu deux facettes de la WWE. C'est un peu les deux grosses stars du moment. Et voilà, Dean Ambrose, pour une fois, tient tête à cette Rollins, hein, parce que par le passé, je crois pas qu'il ait réussi à le battre une seule fois. Cette Rollins a toujours pris le dessus. Donc rien que le fait de montrer que Dean Ambrose, en bouffant tout ce qu'il a bouffé, comme tu l'as si bien dit, parviennent à obtenir ce fameux double count, et me remettent un peu les deux au même niveau. Mais sur un pied d'égalité, quoi. Exactement. Et ça, c'est dommage qu'effectivement, il y ait eu ce côté brouillon qui était pas du tout nécessaire. Ouais. Non, mais je pense qu'ils ont voulu tenter un truc avec ce mix finish à cheval sur le network et sur Raw. Mais sauf que, c'est illisible, parce que tu vois, moi, vraiment, pour le coup, j'ai rien compris. Je me disais, ok. Rollins est champion, ils ont rendu l'antenne, ok. À la suite demain, alors du coup, c'est une tentative un peu ratée. Parce que, du coup, t'es sûr d'avoir les gens qui reviennent pour regarder SmackDown le lendemain? Par contre, du coup, j'ai foncé sur SmackDown le lendemain matin pour regarder, merde. Et puis là, dès le début du show, ils annoncent, oui, comme vous avez pu le voir sur le network, machin, je dis, ah bon. For only $9.99. D'accord. On va passer directement aux notes. Oui. Alors, je vais demander d'abord la note de IRM. Sur 5, alors, bien sûr. Ouais, toujours sur 5, toujours sur 5. C'est compliqué. Non, je vais mettre 2. 2. Ouais, de. Franchement, pour moi, c'était vraiment c'était un peu le soufflet, qui est retombé. Enfin, en fait, c'est peut-être de ma faute. Je me suis tellement mis la pression pour cette semaine, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là par rapport à la draft, que j'étais j'étais pas mal déçu et surtout pas mal agacé en fait. Rien que la séquence d'ouverture, ça m'a vachement agacé. L'absence d'alchimie entre ces quatre. J'ai été déçu, on m'a volé mon moment un peu, j'ai trouvé. Oh. Ouais, non, mais si. L'annonce des GM, pour moi, ça allait être un gros truc. Et j'aime bien. Les deux GM qui ont été sélectionnés, je dis ok, très bien. Mais après, la forme, vraiment la forme, l'exécution, j'ai du mal à leur pardonner ça. Je trouve qu'ils retombent dans plein de travers, qu'ils mettent pas en avant les bonnes personnes aux bons endroits. Enfin, qu'ils mettent pas les bonnes personnes forcément aux beaux endroits, surtout à certains postes clés. Et je trouve que ce rôle-là était assez symptomatique de ça. Plus, certaines affiches type l'US Championship et l'Intercontinental Championship. Voilà, c'est pas les filles, c'est pareil, c'est pas intéressant. Enfin, on retombe dans beaucoup trop de travers, donc je sanctionne et je mets 2. Toc. Bon. Et toc. Mal. D'accord. Mm-hmm. C'est la sanction. bon, allez, Giscal. Vas-y. Moi, je vais mettre, je vais mettre 3. Je vais mettre 3, c'était plutôt... Bon, après, je dois reconnaître que je partage quand même un petit peu ce constat. Enfin, je suis pas déçu, mais c'est vrai que j'attendais un tout petit peu mieux de ce Raw. J'avais été un peu dithyrambique sur mes attentes la semaine dernière dans le podcast, sur le Raw et le match pour le titre et tout, comme quoi j'avais qu'une hâte, c'est d'être à lundi prochain. C'est vrai que l'Euro n'a peut-être pas répondu à toutes mes attentes. L'annonce des GM était, mais bon, on verra que c'est quelque chose qui s'est reconduit pour la draft à SmackDown, mais manquait un petit peu de paillettes, manquait un petit peu de forme. C'était un peu dommage. On pouvait faire mieux. On pouvait faire un peu plus monter la sauce ou faire quelque chose de mieux, je pense. Même si après, voilà, je suis très très très content du choix de Daniel Bryan. Moi, je suis ravi de le revoir à l'écran. Donc déjà rien que pour ça. Ça m'a fait plaisir de regarder cette émission. Mais sinon, après, de manière générale, je mets 3 parce que c'était un go-home show relativement... parce que ça restait quand même un go-home show solide, puisque je trouve que toutes les rivalités ont plutôt été bien mises en avant. Donc j'arrive avec plutôt l'envie de voir Battleground. Le seul gros point noir, c'était les filles, que je trouve, me donne limite encore moins envie de voir le match qu'autre chose, enfin leur match, parce qu'elles en ont deux en plus. Mais sinon, voilà, les tag team Enzo, Cass, Cena contre le club, c'était plutôt bon. New Day Wyatt était mis dans le mix. Le match US, je trouve que ça a été booké correctement. Cesaro Zayn aussi, enfin, c'était relativement correct. Donc, 3 pour moi, mais en effet, un tout petit peu déçu. Ça aurait pu être beaucoup plus fou comme Raw. Alors moi, j'étais prêt à mettre 3, mais comme j'ai appris qu'ils avaient volé le moment d'IRM, ça me fait saigner un peu le cœur. Alors je vais descendre à 2,75. Donc je vaux 0,25. C'est ça. ton moment volé, voilà. Je suis le quart de point. Ouais. Mais ça fait beaucoup hein, dans mon échelle de m'envoler. Merci parce que oui. Ringside vote jusqu'à 3 normalement. Oui. Donc il a quasiment mis le max là. Non. Ouais. On est quand on passera au-dessus des. Ouais, c'est ça. Il faut pas mettre trop. Mais c'est un peu mélangé dans ma tête avec le SmackDown aussi. Donc. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à départager les deux shows. Je pense pas. On donnera pas. Enfin, SmackDown par contre, on donnera pas de notes. Ah non. Ah non, donc, on va nous emmerder avec. Donc voilà, acteurs. On a déjà beaucoup d'autres choses à couvrir. Donc ouais, et du coup, ce que t'as aimé, pas aimé? Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont comme je les aime, c'est-à-dire le encore une fois le match autour de la ceinture US. Le main event, pour une fois, à part le finish, on a eu du beau spectacle. Moi j'ai bien aimé quand même le segment avec Cena et compagnie. On est quand même dans un peu un moment historique, alors même si c'est brouillon, ça reste divertissant à regarder. Voilà, avoir débarqué quand même, ils auraient pu prendre d'autres personnes que Daniel Bryan ou Mick Foley, hein. On aurait pu se taper des trucs bien pires. Voilà, et puis je pense que. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Je préfère mettre plutôt une note. Je me suis pas ennuyé plus que ça. Donc à partir de là, je préfère quand même mettre une note qui est correcte plutôt que de descendre trop bas. Voilà. Et l'ironie en plus, c'est que Daniel Bryan était commentateur pour les Cruiserweight sur le network. Donc comme ça, il pourra plus les voir. Mais moi, je mettrais 2,5. C'était un Raw. Ah ouais, le mec qui se mouille. Non, mais ouais comme la semaine dernière, en fait. Je joue mon Suisse. Mais donc, il n'y a pas eu. Enfin, le seul match qui m'a vraiment marqué, bien entendu, c'est Rollins contre Ambrose. Et le seul enfin, et du coup, l'autre truc que je retiens, c'est juste la promo d'Enzo Amore qui était vraiment fantastique, mais qui était enrobée dans bon Styles à la limite. Styles, à la limite, il va un peu mieux au micro, même si j'adore pas, mais bon, il joue le relou, enfin, il joue le mec qui sort des blagues pas drôles, donc bon, ça passe. New Day, enfin, Xavier Woods, il m'a saoulé, vraiment. Enfin, genre, en plus, c'est peut-être parce que moi, à mon taf, ça parle de Pokémon Go, genre, toutes les 5 minutes, donc je j'ai pas envie, quand j'arrive le soir, de regarder un show où il y a un mec qui me parle de Pokémon Go. Non, puis en plus c'était un peu le truc un peu facile, je vais pas trouver super drôle. Et puis le reste des matchs, alors là, dans une semaine je me souviendrai même pas de ce qui s'est passé, je pense. Ça m'a pas marqué. Peut-être Darren Young, j'ai trouvé ça bien, qui gagne, mais le match était dégueulasse. Et puis Del Rio, il faut se ressaisir, parce que Del Rio, il fait vraiment des sales matchs depuis des semaines. Et voilà. Bon, pour être un peu plus léger, je vais vous faire un résumé ultra rapide des matchs avec seulement leurs résultats, quasiment, quoi, de SmackDown. Ok. ah oui, on passe à autre chose. oui, on va passer vraiment à SmackDown, mais on va garder la draft pour la fin, hein, forcément le meilleur. Donc, les matchs. Cena et les Soft ont battu le club le match champion contre Contenders. Donc, c'est Darren Young et Zack Ryder contre Le Miz et Rusev. C'est Darren Young qui gagne avec le Crossface Chicken Wings, donc la prise de Bob Backlund. Xavier Woods contre Bray Wyatt, c'est Bray Wyatt qui gagne grâce... Bray Wyatt gagne. Je ne sais plus s'il a fait un Sister Abigail, mais c'est fort possible. Oui. On a eu faussement un Kane contre Owens effrayant au départ, mais Sami Zayn, bien entendu, comme d'habitude, il arrive au début du match pour foutre sur la gueule de Owens, et à la fin, Kane leur fait un choke slam à chacun. Et il montre ses belles flammes comme d'habitude, avec un gros Larsen dégueulasse au moment de ses flammes. C'était assez insupportable, comme en général Kane les dernières fois où il est dans le ring. On a eu Banks, j'avais enlevé le cas, je comprenais pas Banks. Sasha Banks contre Brooke et Charlotte. Banks quasi un double knees sur Charlotte de l'extérieur du ring qui était plutôt classe, et Brooke lui fout une clothesline juste après. Donc Brooke a encore botché Sasha Banks qui essayait de faire un backstabber, elle a pas du tout suivi. À la fin, Charlotte a gagné, et donc voilà, j'ai marqué Brooke a réussi à botcher sur un match de 3 minutes, que fait la police. Chris Jericho contre Cesaro, il y a eu un joli front flip, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de Cesaro sur le bord du ring en fonçant sur Jericho, qui était donc au sol. Et finalement, une victoire de Jericho sur un codebreaker. Et Jericho, à la fin, qui avait l'air vraiment au bout de sa vie, je ne sais pas pourquoi il était à moitié en train de pleurer. Mais donc voilà. C'est son nouveau gimmick. Ouais, il pleure. Fleur quand il a perdu le match. Et Natalia devait avoir un match avec Alicia Fox, mais Becky Lynch est arrivée pour la défoncer, et le public a fait une bonne pop pour Becky Lynch, hein, ça crie Becky. Et Ambrose contre Rollins, le retour, puisque il y avait une revanche, Ambrose contre Rollins. Ça a commencé avec Rollins qui salue donc Stéphanie et Mick Foley, contrairement à Ambrose qui lui salue Shane, mais alors on n'a rien à foutre de Daniel Bryan. C'était un peu étrange. Seth Rollins attaque Ambrose avant même que la cloche sonne. Il lui écrase la face avec le pied. Rollins lui saute dessus comme j'ai marqué comme indienne. Il était super vénère, hein, Seth Rollins, au début du match. Il tente de faire le tomber le plus vite possible. Ambrose se rattrape sur la fin et balance Rollins dans la zone de la cloche. Zone de la cloche. À chaque fois, je dis timekeepers, donc bon, je sais plus. La cloche jaune. La cloche zone. La cloche jaune. Et donc, le match, en tout cas, était très rapide, non seulement dans son exécution et sa durée. Et Rollins, malgré plusieurs tentatives de pedigree n'a pas réussi à faire tomber en pause. Il gagne avec un Dirty Deeds. Voilà, on va pas parler des matchs. On va aller directement à la draft. De toute façon, on pourra à la limite revenir peut-être sur le surjuste main event plus tard. Le premier pick de Monday Night Raw, c'est Seth Rollins. Ensuite, SmackDown, le premier pick de SmackDown, c'est Dean Ambrose. Ensuite, Monday Night Raw a répliqué avec Charlotte. Ensuite, SmackDown a répliqué avec AJ Styles. Et finalement, Raw a terminé le premier round avec Finn Balor. Alors, ce premier round. Étonnant. Étonnant. Ouais. Alors, pas pour les deux champions. Enfin, les deux champions. Le lapsus révélateur. Ambrose, Seth Rollins, je pense que c'était écrit d'avance. J'ai bien aimé que déjà Raw prenne Charlotte. Là, c'était une demi-surprise, on va dire, parce que clairement, on le verra un peu plus tard, mais la division féminine elle est plutôt bien représentée à Raw. Mais surtout, là où je suis surpris, c'est le choix d'AJ Styles à SmackDown et surtout le choix de Finn Balor à Raw. Là ouais. où on s'attendait à ce que SmackDown mette en avant tous les jeunes, ou en tout cas une grosse partie de jeunes, et surtout marque le coup dès le départ, tu vois. Pour moi, Raw, donc via Mick Foley, Stephanie McMahon, ils ont, avec leurs trois premiers picks, ils ont, en fait, ils ont résumé leur stratégie, voilà. Effectivement, avec Seth Rollins qui est vraiment la star actuelle, le champion sans ceinture. T'as Charlotte, donc clairement, on veut montrer que nous, la division féminine est importante à nos yeux. Et pas Finn Balor, donc là, le gros nom, l'avenir, quoi. L'avenir, c'est Finn Balor, passera par Finn Balor, et il est où? Il est à Raw. Donc, en face, bon, il y a moins de choix, hein, évidemment, c'était toujours 3 d'un côté et 2 de l'autre, mais AJ Styles, je sais pas. C'est un bon choix, hein, AJ Styles, mais du coup, c'est un peu flou, SmackDown, Dynamo. Prendre AJ Styles, c'est un peu étrange, surtout qu'il est heel, et que, je sais pas, Daniel Bryan, Shane McMahon qui choisissait AJ Styles. Bon, ben voilà. Moi, c'est clairement pour moi, Raw a marqué un coup. Mais limite, après, c'est tout le temps. Pour moi, ils ont assommé SmackDown dès le départ avec ce choix-là, quoi. C'est pique. Mais ça va être intéressant d'enchaîner sur le round 2 après, parce que les deux sont très paradoxaux, les deux rounds. Mais moi, je suis d'accord. Je vais pas rentrer trop dans le détail de ces histoires de stratégie et tout, parce qu'on aura peut-être l'occasion de débattre après sur la draft dans son ensemble. Je trouve que c'est très très intéressant et moi c'est vraiment ce à quoi je m'attendais donc je suis vraiment ravi de ces pics parce que je pense que c'est vraiment très malin la stratégie qu'ils ont adoptée mais tu as bien résumé cette distinction assez forte qui se marque sur le premier round Rollins, Charlotte et Balor à Raw et donc Styles et Ambrose à SmackDown. Moi, j'ai au-delà du choix de stratégie, je suis très très surpris et très agréablement surpris de voir Charlotte aussi haut. C'est je pense très bien vu. C'est très bien vu. Un peu plus surpris. De la place de AJ Styles que je voyais pas aussi haut. Je m'attendais à voir des mecs qui vont être dans le deuxième round plutôt à sa place. Non pas qu'ils méritent pas d'être présentés un petit peu comme le top heel de SmackDown parce qu'en quelque sorte il arrive en deuxième pick de SmackDown et le premier étant Ambrose et lui Styles étant heel. Bon, voilà, on installe déjà une sorte un petit peu d'hierarchie peut-être pour l'avenir. C'est bien, mais je suis un petit peu surpris de sa position. Mais des pics très intéressants et les places 1 et 2 pour Rollins et Ambrose sont amplement méritées et logiques. Hein. Ce sont les deux champions du moment. Et du coup, ça fait écho à ce qu'on disait quand on analysait un petit peu le match à Raw, le main event à Raw et en même temps un petit peu celui de SmackDown sur lequel on n'a pas parlé, ça fait presque oublier un peu Roman Reigns dans cette histoire. Quoi. Genre, c'est vraiment les deux grands gagnants de cette affaire. Ouais, il y a clairement le fait que Roman Reigns n'apparaisse pas dans les premiers choix, je pense que ça prouve clairement qu'il va rétrograder légèrement dans la carte. Seth Rollins en choix numéro 1, alors bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est un choix par défaut. Seth Rollins, Charlotte, Finn Bálor, c'est vraiment, on est dans la situation WWE, hein, on a les, la championne, championne féminine. Seth Rollins, qui est plus ou moins le champion du mois de, pour, le, pour les responsables, enfin on va dire les GM, etc. De toute façon, c'est quand même été Seth Rollins qui était le champion pendant un bon moment avant qu'il se blesse. Hein, c'est un peu quasiment le top guy. Finn Bálor, bah, c'était la tête d'affiche de NXT. Donc c'est quand même surprenant de le voir aussi haut dans le draft, mais c'est plutôt logique finalement, puisqu'ils ont quand même parié pas mal sur lui déjà à NXT, et je pense que s'il arrive à Raw, ça va pas pour être, pour faire de la figuration. Il a quand même un potentiel énorme. Et moi, ce que je suis très content, c'est surtout, alors à SmackDown, la place d'AJ Styles en deuxième. Parce que ça veut dire que clairement, ils vont continuer à lui faire confiance, à le placer en main event. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Parce que si, voilà, s'ils veulent quelque chose qui pète, qui est spectaculaire à SmackDown, qui fait qu'on va venir regarder, moi, voilà, parce qu'AJ Styles, moi, je vais aller regarder SmackDown. Hein, ça, c'est clair et net. Voilà, pour moi c'est plutôt des choix intelligents hein, au final. Alors le round 2, Monday Night Raw choisit ou plutôt Mick Foley choisit malgré les réticences de Stéphanie Roman Reigns qui est boué à mort hein, comme d'habitude, mais enfin même plus que d'habitude, j'ai eu l'impression c'était vraiment assez violent. À la suite de ce Roman Reigns, nous avons pour SmackDown, John Cena. Là, ils viennent de gagner un téléspectateur à vie. Là. ensuite, oula, la cloche a sonné, le match a commencé. La cloche de Rune. Rune. Donc, Monday Night Raw choisit Brock. J'avais noté donc Brock EPO Lesnar. puisque Brock Lesnar, rappelons-le, s'est fait contrôler deux fois pour une prise de substance qui bloque les œstrogènes. Donc en clair, c'est un truc qui facilite le développement musculaire. Enfin, donc c'était avant et après son match à l'UFC. Donc quand même, le gars, il en avait juste rien à battre. Il a dû en prendre genre juste la veille ou un truc comme ça. Ah mais deux fois, c'est une coïncidence. C'est pas encore sûr qu'il soit vraiment coupable. Donc après Brock Lesnar, nous avons comme choix chez SmackDown Randy Orton. Donc on a confirmation qu'il y aura pas de feu d'après SummerSlam quoi. C'est un one shot. Voilà, et donc on finit avec le choix de Monday Night Raw qui fait très mal, je pense. Les New Day, choisis par Monday Night Raw. Disons-le, la tag team la plus populaire de la WWE. Ah, oui. Mm-hmm. Quoique, Big Cass et Enzo, ça commence. Ouais, ils ont leur mot à dire. Ouais, c'est un début. C'est un début. C'est embryonnaire. Ils font pas encore vendre autant de merchandising que les New Day. Donc, allez-y. Je vais demander en premier à cette fois-ci Ringside. Tiens. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a Roman Reigns. Donc, quatrième place. C'est pas. Voilà, hein, il est en chute hein, dans les sondages, on va dire. voilà, bon, après, je pense qu'ils vont devoir le faire tourner heel s'ils veulent en faire quelque chose d'intéressant. Brock Lesnar, théoriquement, lui, c'était le premier choix, normalement. Il aurait dû être le first pick, mais comme il s'est fait toper. Il y a des rumeurs. Et du coup, il est cinquième. De toute façon, on ne va pas le voir beaucoup à Raw, mais je ne pensais même pas qu'il serait vraiment concerné par le draft. Mais, oui, comme l'Undertaker, quoi. C'est ça. Ça reste visiblement... ils veulent toujours le garder comme grosse attraction pour les gros pay-per-view, je pense. Je ne pense pas qu'on va le voir souvent quand même à Raw au final. Qu'est-ce qu'on a d'autre? John Cena à SmackDown, donc ça voilà, ça c'est un bon plus pour SmackDown. Ça c'est Randy Orton, c'est pareil, ça fait du star power, donc ça c'est plutôt intelligent. Moi, j'aime bien le roster de SmackDown au final. Raw, ça revoit un peu finalement les mêmes têtes qu'on avait depuis le début avec le New Day qui sera toujours là. Ils n'ont pas séparé le New Day, donc ça veut dire qu'on va les voir encore, je pense, un bon moment truster le championnat par équipe. Voilà, plus ça se dessine là, à partir de là, on voit quand même que dans Raw, on va rester quand même à peu près sur les mêmes têtes d'affiche qu'on avait jusqu'ici. Et la nouveauté, je pense que ça va se passer à SmackDown au niveau des feuds, etc., quoi, des rivalités, hein, parce qu'on a des gens qui sont un peu moins exploités depuis quelques mois, hein. Bray Wyatt, ça reste quand même pas trop exploité, il revient de blessure depuis pas si longtemps. John Cena, c'est pareil. Randy Orton, c'est pareil, il va revenir, on l'aura pas vu depuis un moment, donc il va être assez assez frais finalement, malgré que ce soit un vétéran. J'avais pas encore annoncé Bray Wyatt. Ah merde, pardon. Bah oui, c'est round 3. Aïe aïe aïe. Ah là là, quel con. Dommage. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu dis là, Ringside, parce que là, tu me dis, on va avoir des rivalités bien fraîches et toi, SmackDown. On parle de John Cena et Randy Orton quand même. Donc, oui, j'espère obligé quand même qu'ils vont pas aller les croiser. Oui. Hein, non, mais à ce niveau-là de la draft, des pics, ça fait un peu mal, quoi. Toi, on est toujours dans ce. Après, moi, je mélangeais vachement par rapport à ce draft parce qu'au final, ce qui compte, c'est le plan comptable à la fin, une fois que tu as tous les noms, toi, la mise en scène, oui, voilà. Qui est premier, dixième, ça, d'un point de vue business, ça n'a aucune importance. Là, je te parle vraiment après du côté storyline, le déroulé, quelle est la volonté des GM, on en parlera peut-être après, qu'on fera vraiment un plus gros débrief, plus générique. Mais là, me taper John Cena et Randy Orton, qui sont des grosses têtes d'affiche, et je comprends très bien pourquoi on les choisit, mais enchaîner les deux à SmackDown... avec Daniel Bryan qui et Shane McMahon qui voilà avait toujours cette volonté de vouloir pusher du 109. Bah, pour l'instant du 109 on en a pas beaucoup, quoi. Donc là je suis un peu déçu. Après côté Raw c'est pas plus glorieux avec les deux gros shootés et deux camés, là Roman Reigns et Brock Lesnar. C'est pas très folichon, quoi. Visiblement à WWE ils ont ouvert des salles de shoot, hein, dans le bus carrément. Et puis The New Day, bah voilà, c'est on marque encore le pas, premier pic de tag team, quoi. C'est encore Raw. Donc pour moi Raw ils ont toujours des pics en plus évidemment, donc c'est plus facile, mais quand même ils montrent une volonté à ce moment-là, hein, vraiment du spectacle de l'épisode, une volonté de créer plusieurs divisions et de mettre en avant plusieurs ouais, plusieurs divisions et plusieurs types de catcheurs. Ouais, tout à fait, c'est ça. Hein. Bah, on est clairement dans cette stratégie-là. Après, moi, je suis pas. En fait, à la limite, c'est peut-être ils sont peut-être trompés d'attribution de commissionneur pour les exactement, shows, parce que exactement. Parce que moi je trouve qu'elle est parfaitement logique et sensée d'un point de vue aussi bien kayfabe que hors kayfabe. Les choix de John Cena et Randy Orton au deuxième round pour SmackDown, je trouve ça juste. Ah bah t'envoies des spectateurs sur SmackDown, avec ça. T'envoies du spectacle sur SmackDown, t'envoies des spectateurs sur SmackDown, parce que quel est le show qui doit faire ses preuves, le show de Challenger? C'est là où le discours de Daniel Bryan fait du sens et tout, voilà. C'est le show d'Outsider, c'est le show de Challenger. On peut aussi le comprendre d'une certaine façon dans, bon bah du coup, c'est à eux de faire leurs preuves, c'est à eux de remonter la pente en termes de ratings, en termes de pouvoir attractif de la marque SmackDown. Donc du coup, bah qui est-ce que tu draftes? Tu draftes John Cena, tu draftes Randy Orton, tu draftes des méga stars, parce que c'est comme ça que tu vas donner de la visibilité à ton émission, risque que, enfin, alors que a fortiori, Raw n'a pas vraiment, enfin, peut se permettre de prendre des risques du fait de sa réputation depuis plus de 15-20 ans, voilà, ils peuvent se permettre de lancer dans les first picks la championne féminine Finn Balor, et puis derrière bah Roman Reigns, Brock Lesnar, ça mange pas de pain et c'est un peu un pic histoire de le bloquer à Raw, pourquoi pas, et puis bah les tag teams, donc en effet ils ont un très très large panel. Et puis on va voir petit à petit au fil de la draft que ça s'étoffe encore plus, tout en gardant à l'esprit qu'avait été annoncé aussi le fait qu'ils ont les cruiserweight à Raw. Donc voilà, les deux shows, déjà dès les deux premiers rounds, se dessinent vraiment très clairement. Et moi je trouve ça très malin. Après je suis d'accord que Si Shane McMahon avait un peu moins ouvert sa gueule toutes les semaines avec ses histoires de cheap pop sur je veux donner au public du changement, de la nouveauté et tout, c'est alors ça. Que bah en fait non c'est pas ça. La nouveauté, c'est pas, enfin, en tout cas, il l'offre pas de cette façon-là. Non. D'une certaine manière, il y a de la nouveauté, hein, mais il l'offre pas de cette manière-là. C'est parce que, donc du coup, c'est pas forcément très très, c'était pas très opportun ces semaines et ces semaines de promo. Mais je suis content, moi. Enfin voilà, je trouve que c'était des bons pics ces deux premiers rounds pour les deux émissions. Ouais. Et troisième round, nous avons à Raw, annoncé par Stéphanie avec un grand sourire, bizarrement. Sami Zayn, qui venait de se prendre juste avant une raclée par Kane. Juste... c'était un peu bizarre. Donc voilà, Sami Zayn. Et à SmackDown, nous avions Bray Wyatt, qui a été spoilé juste avant. Bray Wyatt, surprise. Bray Wyatt tout seul. Hein, donc, oui, tout seul. Ensuite, Raw a choisi Sasha Banks. Ça fait mal. Aïe. Ça fait mal. Sasha Banks donc sera à Raw. Et pour répondre, SmackDown a choisi ce qu'il considère, enfin la catcheuse qu'il considère la meilleure catcheuse, hein, d'après oui. Daniel Bryan et Shane, Becky Lynch. Oui. Ouais, mais Daniel Bryan ne croyait pas une seconde à tout ce qu'il a dit, à part sur un pic où il avait un sourire qui faisait trois fois le tour de la tête, mais sinon il bouffait sa feuille. Je pense qu'il ne croyait pas du tout à ce qu'il disait, quoi. Sortirait de voilà. talent à Becky Lynch, hein, évidemment. Non, oui, évidemment, mais je suis d'accord avec toi. Et le dernier pic de ce round 3 de Monday Night Raw, c'est Chris Jericho. Ah, bah je croyais qu'il était chez Ringside. Ah, je comprends plus rien. Donc, voilà, Chris Jericho, c'est, bizarrement, moi je l'aurais imaginé plus à SmackDown, mais. Bah, tu sais, on l'avait imaginé en tant que GM, donc. Ouais, voilà, pour faire un peu l'animation, tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce round 3? Donc je rappelle, Sami Zayn, Sasha Banks, Jericho à Raw et Becky Lynch, Bray Wyatt à SmackDown. Non, tu sais, Chris Jericho à Raw, c'est pas si surprenant que ça, moi je trouve, parce que. Il a jamais été SmackDown Jericho. Oui, bon déjà, mais d'une manière générale, quand on regarde les rosters, enfin voilà, et ce qui se dessine, il faut quand même des vétérans, des vétérans, des vieux briscards, mais qui prennent pas le spotlight, enfin qui sont pas des gros main eventers qu'on est obligé de caser dans le haut de l'affiche pour encadrer finalement tout. Toute cette jeune garde qui veulent pousser vers le haut, tous ces jeunes et les cruiserweight, les Seth Rollins, les Sami Zayn, les Finn Balor et tout, je trouve que d'avoir un Chris Jericho dans le show est un choix intelligent. Tu vois, il aurait peut-être pas forcément eu sa place à SmackDown où ça va être vachement star power, mais du star power actif, tu vois, du star power qui catch. Il catch toujours, mais plus de la même façon et plus avec le même rôle. Donc moi je trouve que c'était pas mal de le foutre à Raw, c'était plutôt pas con. Et puis bah après on est vraiment dans le prolongement avec Sasha Banks qui rejoint Charlotte. Les grosses affaires qui concerneront la division féminine, ce sera à Raw, je pense que c'est assez clair. Et Sami Zayn qui donc est drafté assez haut, ça fait plaisir pour lui à Raw. Donc pareil, Raw, le bon roster pour lui, je pense. À mon avis, on entendra parler dans les prochaines semaines, mais le fait d'avoir été drafté au-dessus de Kevin Owens, sachant qu'il avait signé son contrat à NXT avant Kevin Owens et qu'il était arrivé à Raw avant Kevin Owens, enfin bref, qu'il avait fait son premier passage à Raw avant Kevin Owens. Bref, je pense qu'on en entendra parler dans leur feu de séculaire. Donc c'était bien. Bray Wyatt, on a entendu parler aussi dans le j'allais dire le post-show, partie du draft sur le network où Owens est venu taper un scandale. Ouais, du coup ça m'étonne pas, voilà, qu'ils s'en servent déjà. Et Bray Wyatt, grosse, sacré pic. Bray Wyatt, grosse carte à jouer pour lui dans la hiérarchie à SmackDown, puisqu'il est quand même donc si on récapitule le cinquième pic de SmackDown, donc derrière le Big Four. Ambrose, Styles, Cena, Orton, c'est Bray Wyatt derrière. Donc c'est assez fort comme message. On l'envoie en solo, il a une carte à jouer. Moi, ça me déplaît pas de le voir au milieu de tout, toutes ces grosses stars. Il a peut-être une, quelque chose à tirer de tout ça. Effectivement. Ouais, je pense que le tout le plus intéressant, c'est Bray Wyatt at SmackDown, parce qu'il va pouvoir se découvrir, faire un peu plus de trucs. Voilà, il aura une place de top heel. Je pense qu'il pourra voilà, s'exprimer beaucoup plus que Caro s'il ne se blesse pas. Voilà, après Chris Jericho à Raw, c'est ouais, ça me paraît. Ça me paraît être sa place aussi. Maintenant, il faut voir combien de temps il va rester encore Jericho. Mais ouais, ils ont gardé un peu cette colonne vertébrale qu'ils avaient à Raw depuis un moment. Après, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la division féminine à SmackDown, parce que faut voir s'ils vont avoir une ceinture ou quoi. Ça va être un peu délicat s'il n'y a pas d'enjeu. Donc ça, je pense qu'on en apprendra plus dans les semaines à venir. Becky Lynch, elle a du potentiel, donc ça peut, elle peut aussi exploser un petit peu plus que Caro, être moins bridée par toutes ces storylines avec où Charlotte, elle doit pas perdre. Voilà, puis Sasha Banks draftée à Raw, ça c'est normal, hein, c'est dans la continuité de ce qui se fait maintenant. Voilà, voilà des opportunités à SmackDown. Comme on les envisageait pour des gens qui étaient un peu mal exploités à Raw. Oui, c'est ça, c'est qu'effectivement, tu as raison, il y a vraiment ce côté. Autant il faut abandonner cette idée de genre de catcher spécifique à SmackDown qui aurait été. Oui, voilà, c'est fini ça. Voilà, par rapport à Daniel Bryan, une certaine vision du catch voilà, qui aurait été différente, ça, il faut l'oublier. Par contre, là où c'est très intéressant, et je vous rejoins, c'est vraiment. On espère en tout cas, on semble vouloir donner une chance à tous ces catcheurs qui étaient plus ou moins en haut de l'affiche déjà, comme Bray Wyatt, comme Becky Lynch, de sortir un peu de l'ombre de tous ces autres géants qui restent à Raw ou qui sont à Raw, pour vraiment se construire, se positionner vraiment dans le haut du panier et voire même le main event, parce que Becky Lynch, clairement, c'est la top. Top woman potentielle de SmackDown, quoi. Ce qui est pas rien. On l'aurait laissé à Raw avec Charlotte et Sasha Banks. Ok, d'accord, ça aurait pour les rivalités, etc. Ça aurait été cool, on fait tourner et tout. Mais là, pour elle, vraiment, c'est une vraie opportunité. Et Bray Wyatt, c'est pareil. Hein. Bray Wyatt, ça fait comme des années qu'il est là maintenant. Et on a imaginé et espéré beaucoup de choses pour lui. Mais il s'est cassé pas mal dedans. On l'a vraiment envoyé sur les grosses stars. SmackDown, il va retomber sur John Cena et Randy Orton, mais peut-être d'une autre façon, peut-être qu'il va jamais croiser leur chemin, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, c'est un vote de confiance assez fort et une grosse opportunité pour ces potentiels main eventers qui n'ont jamais vraiment réussi à se montrer réaliser leur potentiel à Raw. Quoi. On passe au quatrième round. Ouais. Alors. Quatrième round, Aro, nous avons eu Rusev et Lana. La réponse de SmackDown, c'était le Miz et Maryse. Ouais. La réponse du berger à la bergère. Ouais. C'est logique. Monday Night Raw choisit Kevin Owens. Ça fait des vagues et la réponse fait plouf, puisque SmackDown choisit Baron Corbin. Ouais, il y avait peut-être un meilleur pic. Donc voilà, et ça se finit avec un autre choix qui fait terriblement mal, puisque Raw a la Team Soft et Enzo et Cass. Ouais. Donc Raw a New Day et la Team Soft. Et c'est pas fini, hein. On va voir. Voilà. Ouais. Vos réactions. Effectivement, Rusev, The Miz, c'est vraiment, comme je disais, la réponse du berger à la bergère. Vous prenez la ceinture US. Ah, ok, nous on prend le titre intercontinental. Ouais. Franchement, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Peut-être que mes collègues auront plus de choses à dire sur eux. Kevin Owens, je pense vraiment pour la petite storyline avec Sami Zayn dont l'ami Giscal a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas y voir plus. Après, c'est vrai qu'on aurait espéré pour notre ami québécois qu'il soit piqué un peu plus haut. Mais bon, quand tu regardes quand même les pics à Raw, ce qu'il y a devant, c'est pas, il y a pas quoi non plus rougir. Mais bon, Kevin Owens ça contribue justement à ce s'il aurait été deuxième, il aurait pas été content non plus. Donc Donc tant mieux, autant le mettre 12e quoi. Baron Corbin, alors là par contre je comprends pas trop. Gros point d'interrogation pour moi, parce que ça, là en l'occurrence ça ne représente pas grand chose à part une certaine forme d'avenir, mais comment dire, si c'est ça leur réponse à quel est l'avenir à SmackDown, enfin quels sont les catcheurs d'avenir à SmackDown, au-delà de ceux qui sont déjà établis et ceux qui représentent un peu le passé déjà dont on a parlé. On a Becky Lynch, certes, mais le représentant, on va dire, homme, voilà, c'est Baron Corbin dans la draft de SmackDown. Celui qui doit représenter l'avenir dans la jeune garde, c'est Baron Corbin. Bon. C'est là que, alors d'habitude je commente pas parce que c'est déjà assez long quand vous êtes à trois à commenter, mais là pour le coup c'est là que j'ai pas compris où j'ai fait, mais pourquoi ils prennent pas Cesaro ? Enfin genre, c'est, ça semble la réponse évidente quoi, c'est... Voire même Apollo Crews ou d'autres mecs qui il y avait d'autres Apollo Crews, il est encore loin d'être au top niveau. Cesaro il est pas très loin il est adoré de tout le monde. Ça aurait été une bonne réponse à Kevin Owens en fait, Cesaro, toi. Oui. Si tu mets si tu lis horizontalement, tu mets Cesaro passe au pic Kevin Owens, là ça se tient bien. Mais si tu lis le draft verticalement dans SmackDown, à la place de Baron Corbin en tant que représentant de l'avenir de la jeune garde, il y avait d'autres choix. C'est surtout là, moi, où j'ai du mal. Quoi. Je me dis, mais attends, à part Baron Corbin, il y en avait d'autres qui pouvaient représenter. Mojo Rawley, j'en sais rien. c'est vrai, c'est le timing des pics quoi, qui était moyen. Ben, ça prouve qu'ils ont confiance en Baron Corbin, bizarrement, malgré... Oui. Le mauvais retour qu'il y a dessus, ils ont investi quand même sur le mec. Voilà, ils continuent sur l'investissement et ce sera peut-être pas bon pour nous, mais visiblement, eux, ils y croient quand même un peu. Hein. Il va se frotter il va se frotter à des grosses têtes d'affiche, quoi. Parce que bon, je vais pas spoiler la suite, mais en clair, on voit que. Il a été drafté dans le show télé, parce qu'on précise que oui, on va parler comme ça en détail du draft de show télé, et après on va vous parler du reste du draft qui s'est passé sur le network. Mais donc il a été drafté pendant le show télé avec les top stars. Donc voilà, il va devoir faire des gros matchs. À voir, ouais. Si... À voir, ouais. Il est là-dedans. Ouais, il est quand même bien placé à SmackDown. Il est 19e, bien placé. Hein. Ouais. Après SmackDown, il y a moins de temps d'antenne. Voilà, il va peut-être faire beaucoup de segments parler. On le verra peut-être moins faire des matchs, je sais pas. Mais bon, c'est quelqu'un sur qui il mise. Hein. Donc voilà, là on le voit assez haut dans le pic juste derrière Kevin Owens quoi. Mais bon, je pense que Kevin Owens, ils l'ont mis peut-être aussi bas aussi, c'est pour faire un petit peu. Voilà, pour créer une petite histoire, quoi. Oui, c'est, bah c'est ça. C'est et, scénarisé, ouais. On sent que... Et tu sais quoi, je me demande si Baron Corbin, c'est pas aussi pour la même raison. Parce que Baron Corbin est plutôt arrogant, et là, clairement, il pourra dire, bah, écoutez, moi, j'ai été choisi à SmackDown, pas parmi les premiers, mais parmi l'avenir. Je parmi quand même le haut du panier, quoi. C'est moi, voilà, ouais, c'est moi l'avenir. Je suis le premier de la jeune garde, c'est moi qui ai été choisi. Donc, si tu places d'un point de vue vraiment personnage, ça se tient. D'un point de vue GM, ça se tient pas. Donc c'est toujours pareil en fait. Non, d'un point de vue GM, quand tu te places vraiment dans la logique, tu te dis, si tu te mets à leur place, tu te dis je veux construire mon émission et tout. Quand Raw choisit Rousseff, bon, bah, c'est très logique. Il faut absolument presque. Enfin là même, tu te mets à leur place en pur kayfab de GM qui drafte son équipe. C'est sûr, il faut que tu draftes le Miz parce que déjà que tu t'es fait baiser Charlotte et les New Day. Si en plus t'as zéro champion, c'est pas, enfin t'as dit nombreuses, hein, mais si t'as aucune autre ceinture, c'est pas possible. Donc là, il faut absolument sauter sur le Miz. Derrière, ils répondent avec Kevin Owens. Je pense que en effet, il y avait peut-être d'autres pics à faire, comme on verra dans les autres, dans les autres mecs dispo. Mais bon, après, écoute, si derrière c'est suivi des faits comme quoi Baron Corbin ils veulent le push et tout, bon bah écoute, ça se tient d'un point de vue purement machin. Mais c'est vrai que l'enchaînement de noms était un peu bizarre. Donc, un round un peu chelou. On trébuche quoi. C'est un peu on trébuche avec Baron Corbin. Et le round 5. Ah oui, j'allais parler du round 5. Donc le round 5 commence. Avec Gallows et Anderson chez Monday Night Raw. Ils ont vraiment toutes les équipes là. Donc, on a confirmation. Le club se sépare. C'est ça. Puisque AJ Styles est à SmackDown. SmackDown répond à ce choix de Gallows et Anderson par American Alpha. American oui. Alpha. Voilà. Ah oui, voilà. Là, c'est une vraie réponse. Alors là, c'est le moment dans la soirée où j'ai, enfin c'est le moment dans le draft où j'ai fait d'accord, je regarde SmackDown. D'accord. Ok les gars. Ok. Ouais. Lui, ça tient à pas grand chose. Hein. Et vous saviez qu'il voulait, il voulait drafter Jason Jordan tout seul pendant longtemps. Ah. Jusque tard dans la journée. Et à la fin, ils se sont dit, on va quand même drafter les deux. Ah oui. Ce qui est quand même plus judicieux. Hein. C'est vraiment une pas honneur, une bonne idée. Ah, il partait perdant. Hein, mais voilà. Donc au final, on a les deux, c'est très bien. Non, parce que pour le coup, à NXT, Chad Gable est plus over que son pote. Ouais, c'est ça. Puis Jason Jordan, il marchait pas du tout tant qu'il était pas en équipe avec. Voilà, ouais. Gable, hein. Et puis ouais, tout seul, je le vois. Il est très bon, il est très athlétique, mais tout le charisme, c'est Gable, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Donc voilà. Donc on a eu ce choix American Alpha et ensuite Ro a répondu avec le Big Show. C'est le gros chauve. Mais très très bon pic. C'est le même pic que Chris Jericho. Je ressortirai pas les arguments. C'est le même pic. D'accord. Et la réponse donc du coup de SmackDown, c'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, donc du coup, ça c'est cohérent. Ça c'est cohérent, Dolph Ziggler à SmackDown, parce que voilà, c'est rédemption, tout ça. Je vous parlerai peut-être de son passage au Network juste après, quand je ferai mon mini résumé de ce qui s'est passé sur le Network. Mais il a eu un discours intéressant et voilà. De toute façon, on l'aime tous, quoi, Dolph Ziggler. C'est un peu moins chaque année, mais oui. Oui. Ouais. Il fait penser à Shawn Michaels jeune. Non, mais c'est devenu difficile de l'aimer quand même. Depuis environ 10 ans, c'est un Shawn Michaels jeune. Et donc, la réponse de Monday Night Raw. À ce moment-là que je retrouve, et bah oui, c'était Nia Jax. Alors là, je pense qu'il va y avoir débat et je pense que je vais défendre Nia Jax. Mais donc voilà, c'était la fin du round 5. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai. Oh pardon, mais juste. Non, choisis, je t'en prie. Alors d'accord, merci, t'es trop sympa. Vous êtes bien urbain, mon ringside. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi ils ont pris Anderson et Gallows? Non. Pour les séparer de... Si, si, ils ont dit, puisque vous avez AJ Styles, on va vous prendre Gallows et Anderson. Après, ils ont pas donné... Ok, d'accord, c'était juste pour les emmerder. Mmh. Oh oui, oui. D'accord, ok. Bah, pourquoi pas, ça me plaît comme raison, on va dire. Mais ouais, gros coup avec American Alpha. Enfin, c'est la première tag team sélectionnée par Daniel Bryan. SmackDown, Daniel Bryan. Oui, oui. Je... Voilà. Donc pareil, hein, comme avec Baron Corbin et Becky Lynch, pour moi vraiment c'est eux les porte-étendards de l'avenir de la tag team côté SmackDown. Donc c'est pas rien. Gros coup, hein, énorme pop. Ça c'était vraiment un super coup qu'ils ont fait. Big Show, ouais, comme tu dis, voilà, c'est vrai que c'est le côté le passé qui va supporter tous les petits jeunes. De toute façon, Big Show était déjà dans ce rôle-là depuis quelques semaines, quelques mois. On voyait backstage, je l'imagine très bien, hors caméra, voilà, aider les plus jeunes. Donc, bon, c'était un c'est peu important. Pour... Ouais, c'était histoire de. Ouais, c'était pourquoi pas. Dolph Ziggler à sa place, évidemment. Et Nia Jax, c'est. J'étais à la fois surpris et en fait le temps passe, je digère et je trouve ça vraiment pas mal, Nia Jax. Après, Nia Jax bookée en première en tant que femme NXT, ça a aussi balayé pas mal d'espoir pour beaucoup. Si on se dit que s'ils prennent Nia Jax, c'est qu'ils vont probablement pas prendre celle qui vend beaucoup de t-shirts. Dont on ne citera pas le nom. Mais c'était assez équilibré comme pic, je trouvais. D'accord. Mais autre chose. Les autres. Oui, à vous. Je vous laisse la parole. Bah, moi, je suis content qu'ils aient séparé le club parce que c'est trop sucé du Bullet Club de la New Japan. Je pense que c'était une mauvaise idée quand même au départ, même si bon, ça a légèrement fonctionné. Mais je pense que AJ Styles, il est assez talentueux pour rouler tout seul. Les deux autres aussi. Je suis pas content de les voir évoluer seuls à Raw. American Alpha, effectivement, c'est le grand coup. Hein, ça, forcément, on va aller regarder SmackDown maintenant qu'ils sont là. Le Big Show, il fait partie des meubles à Raw, hein, de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison qu'il aille à SmackDown maintenant, à son âge. C'est ça. C'est vraiment ceux qui. Voilà, il n'y avait pas de raison qu'ils bougent, alors on les laisse. C'est plutôt encourageant de voir que Dolph Ziggler il part à SmackDown parce qu'il va peut-être effectivement avoir une opportunité pour relancer sa carrière, ce qui ne serait pas le cas, je pense, s'il était resté à Raw, clairement. Donc s'il a une petite chance de se relancer, je pense que ça passe par SmackDown. Et Nia Jax, il était temps de la faire monter de toute façon dans le roster principal. Elle c'est une catcheuse atypique hein, parce qu'elle a un fort gabarit et ça change un peu du reste du roster. Et ça sera plutôt intéressant, je pense, de voir ça à Raw que ce qu'on a l'habitude de voir. Non si, oui. S'ils veulent construire des intrigues intéressantes, des rivalités intéressantes à Raw, Nia Jax, c'est pas mal, quoi. Parce que ça, voilà, on a une. Ouais. Et juste pour répondre j'ai lu pas mal de gens, en général sur Internet, une opinion négative disant que Nia Jax a été choisie pendant le show, que son pic était dans ceux qui ont été diffusés, simplement parce que c'est la cousine du Rock. Et allez vous faire foutre. Ouais. écoutez les gars, ça fait plus de 2 ans qu'elle est à NXT. Et allez regarder son match contre Bayley. Même ses matchs, mais son match, je crois que c'était un takeover. Chercher Bayley contre Nia Jax à takeover. Et dites-moi qu'elle a pas le talent pour être dans un roster parce que vraiment c'est pas une prodige du ring, mais elle a vraiment quelque chose de spécial et si elle arrive à un peu mieux se maîtriser dans ses promos, elle peut être vraiment excellente. Et on a vu donc du coup un extrait de l'annonce au moment de son annonce. Elle a été interviewée sur le network. Et elle était au bord des larmes. Et bizarrement, elle a quand même réussi à finir son interview en mode heel, je vais aller défoncer Charlotte et tout. c'était plutôt sympa. Donc, sixième round. Je sais pas, Gigi avait pas répondu. Ouais, ah non, Gigi. Gigi. Oui, rapidement. Oui, j'ai rien à redire sur Big Show et sur Ziggler. Ce sont des pics classiques. Mais je pense que c'était un des rounds les plus intéressants pour deux pics. Parce que du coup, ça envoie. En fait, les pics de Gallows et Anderson et les pics de Nia Jax ont des implications énormes pour finalement Becky Lynch et American Alpha, parce que clairement les tag team et les femmes, ça va se passer à Raw, ça semble évident. Gallows et Anderson, c'était la dernière équipe sérieuse, on va dire, déjà établie, donc déjà dans le roster principal, à être disponible. Donc les mecs, ils ont Enzo et Cass, ils ont New Day, ils ont Gallows et Anderson, donc clairement toute la picture est là-bas. Raw, ils ont Sasha Banks, ils ont Charlotte, donc pareil, le sérieux il est là-bas. Ils prennent Nia Jax, donc qui est manifestement, s'ils l'appellent, c'est pour en faire quelque chose. Donc du coup, ça fait qu'à SmackDown, pour porter ces deux divisions, c'est Becky Lynch et American Alpha. Donc ça, ce round est vraiment très intéressant à ce niveau-là, parce que en fait, SmackDown, au-delà du fait qu'on avait dit qu'il y a une stratégie de construction de star power au niveau de la division principale, on va dire la division homme, pas simple, pour ramener du public, pour consolider le show, derrière, à côté de ça, il y a aussi une volonté de porter peut-être d'autres personnes, de faire des tentatives sur des divisions moins exposées, sur lesquelles ils peuvent se permettre de prendre des risques à SmackDown. Et donc c'est vraiment sympa, enfin c'est cool, c'est vraiment sympa, je suis très content de voir American Alpha et merci Giscal d'avoir fait très court. Oui, pardon. c'est fini. Voilà, c'est fini. Je vais lancer les deux derniers rounds en même temps. Parce que il n'y en a plus qu'un. Si, il y en a plus qu'un. Ah, quoique, attends, oui, je sais plus. Ah oui, parce qu'il a télévisé longtemps. Donc, bon, il est assez alors, anecdotique, le dernier. Je vais citer tous les noms que Ro a choisi donc, à la télévision. Donc, on avait Neville, Cesaro, Sheamus, Sin Cara, Darren Young, Jack Swagger. Ah oui, là, t'es parti dans le, oula, attends, dans le network, là. Ah ouais, non, c'était ouais, dans le network. Ah, non, ouais. Neville, Cesaro, Sheamus, fin de la télé. Fin de la télé. Ah, j'ai zappé. Bon, autant pour moi. Donc, Neville, Cesaro, Sheamus. Et, ouais, et donc, côté SmackDown, on a eu Natalia et Del Rio. C'est ça. Del Rio n'était pas content. Non. Et on l'expliquera peut-être plus tard. Ou peut-être dans le truc du network. Dans cette... troisième heure de podcast. qu'est-ce que vous avez pensé de voilà Neville, Cesaro, Sheamus, Cesaro qui est dans les bons derniers quand même. Ouais. C'est anecdotique sauf pour Cesaro. Mais bon après Cesaro a eu cette fameuse interview backstage. Enfin, voilà où il raconte un peu. Je sais pas si tu comptes en parler peut-être après. Très bien. On en parlera tout à l'heure. Mais ouais, ça fait de la peine pour Cesaro, mais après il y a de la storyline aussi qui est là-dedans, donc l'ordre. Ouais, je suis pas inquiet. Ils ont vraiment gardé les quatre Cesaro, Owens, Zayn et Jericho. Les quatre, ils sont restés à Raw. Hein. Ouais. C'est les mecs qui font le show depuis quasiment 6 mois. C'est ça. Ça fonctionne. Bah, visiblement, voilà. Ils ont remarqué que ça fonctionnait aussi, je pense. Donc ils ont décidé de pas les séparer. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même fait le tour de leur prestation à quatre. À la limite, moi, ce que je préférerais voir, c'est voir un clan, les quatre ensemble, façon évolution, quoi. Wow. Mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous. Ah, oui, après, c'est ballsy. quand même, hein. Et par contre, Neville, j'aurais préféré le voir à SmackDown. Je suis pas sûr qu'en restant à Raw, ça va être facile pour lui de nouveau, hein. Pour le reste, Del Rio, il est fâché. Et Sheamus Aro, c'est pareil pour lui. J'aurais peut-être préféré le voir à SmackDown aussi. Ouais. Ça va être un petit peu compliqué. J'aurais une autre mauvaise nouvelle aussi pour Del Rio après. Et Natalia aussi. Qu'on laisse du même côté que Becky Lynch. Ça fait un peu. Ouais, bah c'est pour continuer leur storyline actuelle. Ouais, hein. Ce qui est dommage parce que si on veut faire évoluer Becky Lynch, il aurait fallu les séparer. Mais... Donc voilà, et là je balance les deux rosters, les deux fins de roster. Donc les rebuts. Pendant le comment ça s'appelait ce show sur Network du coup ? Le Draft Center Live. Pour le Draft Center Live. nous avons appris que Monday Night Raw il y aura Sin Cara, Darren Young, Jack Swagger, Golden Truth, Titus O'Neil, Paige. Donc mauvaise nouvelle pour Del Rio qui est en couple avec Paige. Dudley Boyz. Salaud. Summer Rae, Mark Henry. Braun Strowman, Bo Dallas, Shining Stars, Alicia excellent. Fox, Dana Brooke et Curtis Axel. Belle brochette de fin. Oui. Donc voilà, et à SmackDown, nous avons les Usos, Kane, Kalisto, Naomi, The Ascension, Zack Ryder, Apollo Crews, Alexa Bliss. Yeah. C'est le plaisir total. Oh, oui. Breezango. Ça occupera Eva ouais. Marie, les voix de vilain, Eric Rowan, Mojo Riley et Carmella. Ouh là donc là. Un petit rattrapage de NXT oui. Sur la fin. Exclusivement. Et voilà, et Heath Slater qui n'a pas été drafté, donc le seul social outcast à ne pas être drafté. Bon, je vais vous dire directement ce qui s'est passé avec Heath Slater. Il a fini dans une pièce tout seul avec plein de chaises vides en train de pleurer. Et ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est le dernier extrait qu'on a vu sur le network. Donc, sur ces derniers pics, est-ce que vous avez des trucs à relever J'ai un petit... Petit commentaire, non, il y a rien, c'est très anecdotique, c'est pique, c'est vraiment pour construire la fin des rosters, mais un petit commentaire pour si jamais vous n'avez pas encore rentré vos pronostics pour Battleground, vous aurez remarqué que Darren Young et Zack Ryder, les deux challengers, partent dans les shows opposés des champions. Je vous laisse pronostiquer en conséquence. Voilà. Excellent conseil. J'avais même pas fait gaffe, mais bon, j'avais pas besoin de ce limite. Non, de... je pense que personne n'en avait besoin, mais là, c'est du coup, ça finit d'entériner le. Non, mais par contre, ce qu'on remarque, parce que là, j'ai en fait, j'ai mis des petits codes couleurs sur mon listing là des pics, et j'ai mis d'une certaine couleur vraiment. La jeune garde, hein. Autant les pics NXT que ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et là, c'est festival, hein. SmackDown, à la fin, c'est Kalisto, Naomi, Ascension, Apollo Crews avec sa Bliss, Brizango, Eva Marie, Vaudevillain, enfin bref, tous ceux qu'on a cités, c'est quand même des petits jeunes. Donc bah, finalement, c'est pas mal, hein. Ils sont quand même consolidés, alors, pas en show TV, mais un peu, ils l'ont pas vraiment avoué, enfin, c'est un peu caché, quoi. Plaisir coupable. Ils sont quand même gardés pas mal de petits jeunes pour l'avenir. C'est ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment le côté, tu regardes un peu au fond du tiroir ce qu'ils ont pris, tu te rends compte qu'il y a quand même un bon roster. Alors, t'as aucune raison de pleurer parce qu'Apollo Crews est vers la fin, aucune raison de pleurer parce que, voilà, clairement là c'était, on a caché ça, mais à la fin il y a, voilà, il y a beaucoup de, enfin gros potentiel de ce côté-là, ouais. Alors que côté Raw, c'est plutôt des mecs qu'on a l'habitude de voir une fois de plus, hein. Titus O'Neil, Page, ouais, effectivement, là, c'est pas cool. À mon avis, ça sent la storyline Total Diva, séparation. C'est une bonne observation, ce petit découpage que tu fais, parce qu'en fait, on se rend bien compte que finalement, tu prends d'un côté les jeunes, tu coupes en deux, tu prends tous les jeunes qui sont vraiment très très over, qui fonctionnent et tout, qui sont sur le bord de devenir vraiment des stars raw, exactement. Et tu prends les jeunes qui ont encore besoin de développement, qui se cherchent un peu et qui ont peut-être besoin de plus d'opportunités pour monter. SmackDown. Et voilà. Ouais. Et après, tu fais l'inverse. Tu prends le pool de vieux, d'expérimentés, de star power. Et là, tu te rends compte que finalement, le star power, le gros star power qui catch, qui occupe le haut de l'affiche, c'est SmackDown. Parce qu'il faut pouvoir porter le show s'il faut que les gens regardent ces petits jeunes qui ont besoin de monter encore un peu, bah du coup il faut quand même qu'il y ait un produit d'appel. Et par contre, on envoie à Raw du Jericho, du Big Show, du Brock Lesnar, enfin des trucs. C'est moins du plein temps. Du part-timer, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu vois que le découpage est très clair avec des stratégies plutôt moi que je trouve qui ont du sens. Moi, je trouve ça juste dommage, Paige. Oui, qui est pas Paige, je suis d'accord. C'est un des pics. En plus, ça aurait été bien d'avoir une vétéran dans. Enfin, il y a Natalia, mais bon, Natalia, ces temps-ci, on n'a pas vraiment envie de l'avoir catchée. Alors que Paige peut vraiment leur enseigner beaucoup de choses et surtout l'agressivité. Je sais que Alexa Bliss est déjà plutôt bonne en agressivité, mais. Ça aurait pu faire des bonnes Lynch étincelles. Aussi, hein. Oui, et Becky Lynch aussi. Ouais, Becky Lynch. Mais ouais. Donc voilà, ça aurait donné peut-être un peu d'air aux divas sur SmackDown qui sont pas si nombreuses et voilà. Et puis Carmella qui est très très fraîche. Moi, je l'aurais pas ramené dans les rosters. Ou alors avec Enzo et Cass. Seulement non, avec Enzo et Cass, mais seul. Justement. Je pense qu'elle va couler. Hein. Non, mais le plan de Triple H, ça on le voyait dans je sais plus quelle émission là, où il faisait monter justement Enzo et Cass dans le main roster et il leur expliquait que Carmella montrait pas avec eux parce que Carmella a un potentiel énorme en tant que star, mais solo, toi. Et je pense que Triple H a toujours cette vision-là, qu'il l'a conservée. Et donc, du coup, voir Carmella du côté SmackDown, donc toujours séparée des deux autres zigotos, c'est-à-dire qu'ils ont toujours confiance en elle, donc c'est plutôt encourageant. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui peut la sauver, c'est si Bayley arrive. Ouais, mais c'est pareil, tu la recolles encore à quelqu'un. Elle a été draftée au dernier moment, Carmella. C'est vraiment le dernier choix, pic. Ouais, dernier pic, mais décidé à la dernière minute. Et c'est pareil, c'est comme Alberto Del Rio, c'est pour la séparer de Big Cass, parce que Vince il aime pas les couples. Oui, c'est vrai. Et, c'est vrai aussi. Ouais. Maintenant, elle a du potentiel quand même. Ils ont fait un super match en triple threat Nia Jax, Alexa Bliss et elle il n'y a pas si longtemps à NXT. Mm-hmm. C'est solide quand même dans une division féminine, même si elle n'est pas, elle est pas ouais. au niveau encore peut-être d'Alexa Bliss ou quoi. Alors, ouais, c'est, ils auraient peut-être pu la laisser encore un petit peu à NXT, c'est pas faux. Je dis pas, hein, elle sait se débrouiller dans un ring, c'est juste que c'est plus au niveau du personnage quoi, où j'ai peur, que, ouais. j'ai peur sans, qu'elle soit trop lisse. Quoi. C'est vrai, sans être attachée en plus à Soft. Je sais pas si le public il va réagir tout de suite positivement quand elle va débarquer, mais elle a du potentiel. Après, je sais pas si, ouais, je suis pas sûr non plus que ce soit super judicieux de l'avoir fait monter là à ce moment-là. Surtout qu'ils ont pas fait monter Bayley au final, à moins qu'elle arrive au pay-per-view. Ah bah ça c'est la grande manquante de la draft, mmh. hein, si on doit faire effectivement. Je sais pas si tu voulais en parler un peu plus tard ou pas, mais en tout cas. Ce sera ma question à la con, okay. en fait. Mais ça va durer vraiment. Par contre, cette fois-ci, ça va vraiment être juste une réponse. Vous aurez une réponse à donner. Je le sens venir, ça. Et par contre, SmackDown, c'est vraiment le show, pour ceux qui ont un peu merdé leur montée d'NXT, c'est vraiment le show de la deuxième chance. C'est la deuxième chance. Ah bah, en fait, c'est ça. C'est pour ceux qui ont foiré leur montée d'NXT et pour ceux qui ont foiré le main event un peu. Toi, avec Bray Wyatt. C'est l'école des losers, en fait. Voilà. Bah, Bray Wyatt, c'est aussi la même histoire. S'il a un peu loupé aussi sa montée d'NXT au final. Non, mais ouais. Bray Wyatt, je suis sauf qu'il s'est blessé. Ouais, c'est bien, je pense. On va. On peut juste dire que trois personnes ont été piques sous Dana Brooke, ce qui est quand même compliqué. Mais bon, voilà. C'est surtout méchant pour Curtis Axel, quoi. C'est ça. Je pense que Curtis Axel, c'est vraiment pas cool. Ouais, mais là, c'était encore une fois, c'était pour la storyline avec les Social Outcasts. C'est ça. Ah. Ouais, il y a quand même beaucoup de scénarisation dans le bordel. Ouais. Ils ont pensé. Je suis un petit. Tu Sony, là aussi, bordel. Il est. Il est avant Cage, quoi. Allez, on laisse enchaîner. Je fais mon petit résumé du network, donc le show sur le network, donc j'ai encore oublié le nom. Draft Center Live. Merci. Donc j'ai noté, c'était un gros shit show en fait. Il se passait beaucoup de choses qu'on avait l'impression. Enfin, la moitié était prévue. Il y a des trucs, il y a des catcheurs qui sont venus. De base, en fait, on avait. Renee Young, Booker T, Lita et Corey Graves qui étaient là pour présenter. Et en fait, les catcheurs venaient sur le plateau un petit peu comme ils voulaient pour faire une promo, des moments pour faire juste les malins. Enfin bref, on a eu Rusev en interview qui a appelé Ambrose the lunatic with a fridge. J'ai adoré. Et il y avait Lana, véritablement magnifique Lana avec son t-shirt pro. Dolph Ziggler qui est passé sur le plateau pour dire qu'il veut vraiment renaître dans SmackDown. Il a fait une espèce de petite promo de 3 minutes pour. Il disait j'ai besoin de ce temps-là pour parler à SmackDown. Et là, il y a Booker T qui lui a dit bah vas-y, hein, t'as le temps maintenant. Et là, il fait ouais, bon, c'est sur le network. Personne va me voir. Mais ouais, il a besoin de faire un speech de 3 minutes pour relancer sa carrière. Faut qu'on lui donne le micro 3 minutes à SmackDown. Ouais. Et du coup, il a eu 3 minutes à. Donc voilà, il a balancé un peu ce qu'il avait sur le cœur, et puis il disait aussi qu'il fera tout ce qu'il faut, enfin, il fera tout ce qu'il faut faire, des matchs de 20, 30 minutes, 1 heure, enfin bref, il était très passionné, et puis assez touchant, j'ai trouvé. Et à la fin, il avait fait même 2 ou 3 fois pendant son interview, il flirte avec Renee Young. Donc ça, c'est un peu étrange. Salaud. Hein, il doit être au courant quand même que Madame est prise, surtout avec le champion, quoi. Et Sheamus est passé aussi un peu en mode hors kayfabe, dire qu'il n'est vraiment pas content de sa place depuis un an. Et il a dit qu'il demandait un match contre Brock Lesnar depuis longtemps, parce que je ne sais plus si c'est Booker T qui lui a suggéré un truc comme ça. Oui, il y a pas mal d'interviews là-dessus, c'est vrai. Il disait souvent qu'il voulait. Ensuite, on lui a parlé du fait qu'il y avait Finn Balor qui arrivait, donc du coup, irlandais comme lui. Il a dit qu'il serait vraiment intéressé par une feud. Et voilà, il est très déçu d'être le dernier draft pick du show. J'ai noté Nia Jax aussi a fait donc sa petite promo en dehors. Il y a eu des interviews en dehors de l'arène des picks de NXT. On a eu une Nia Jax, on a eu aussi Alexa Bliss. Alexa Bliss qui était vraiment là, elle était prise était vraiment à deux doigts de pleurer. Et donc les moments marquants, c'est surtout Cesaro qui était en interview je crois avec Jojo dans le backstage. Ouais. Et donc dès le début, il dit qu'il regrette de pas être drafté à SmackDown plutôt. Et d'avoir été choisi aussi tard. Il est très énervé dans son discours. Il dit qu'il veut pas être dans un show qui est concentré sur les le GM et son commissionnaire, donc Steph et Mick Foley. Et puis il parle un peu des préjugés qu'il y a sur lui. Alors on ne sait pas s'il parle des préjugés des fans ou alors de l'autorité. Il dit que il sait très bien parler anglais, que il parle terriblement vite. J'ai noté, ouais, on a l'impression qu'il demande vraiment du temps de promo. Il est très speed et il était assez énervé. Et j'ai pas eu le sentiment que c'était si kayfabe et prévu que ça, quoi, comme speech. Donc voilà, on a eu aussi Darren Young qui est passé avec Bob Backlund, qui n'a pas arrêté de draguer Jojo aussi, en train de lui dire t'es très jolie ce soir. Et Bob Backlund qui a sorti des âneries pendant 3 minutes. L'interview était à la limite sabotée. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu Kalisto, le bon vieux Butch de Kalisto. Qui se fait interviewer et qui dit n'importe quoi, mais n'importe quoi. On lui dit Kalisto, alors t'es content d'être drafté donc il est à c'est à SmackDown, je ne sais plus maintenant. Oui, c'est à SmackDown. Kalisto est à SmackDown. SmackDown, donc, ouais. T'es content d'être drafté à SmackDown, Kalisto? Oui, super, Lucha Libre, génial, trop bien le catch, j'adore. Et vous comptez faire quoi à SmackDown? Et là, il répond plein des trucs lucha. Et voilà, il est parti. Et il parle. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il était super, genre sautillant. On avait entendu pris de la co qui était intenable. Voilà, c'était Butchisto. Et c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Il y a eu d'autres passages. Il y a eu Kevin Owens qui est passé se plaindre. Il y a eu la Team Soft qui a fait son petit cinéma aussi. Et qu'il y a Del Rio qui était pas trop chaud pour faire une promo. Hein, Ah oui, Del Rio. Ah oui, j'ai oublié. Del Rio déprimé. Del Rio en interview, mais juste dépité. Aucune perspective, le gars. Genre, on lui demande qu'est-ce que vous allez faire. Je vais gagner et catcher. Et c'est quoi votre perspective? C'est être le meilleur, ou je sais plus quoi. Enfin, il a sorti que des banalités, et en fait, il avait l'air déprimé jusqu'à la toute fin. Les 5 secondes de fin, il a fait un gros effort pour faire une tête de heel. Mais lui, par contre, c'est assez symptomatique, je pense. Hein. Enfin, je pense que c'était sincère, et même je trouve que ça se ressent dans ses matchs un peu, que genre ça lui casse les couilles en ce moment, ce qu'il fait et tout. Même dans ses matchs, je trouve qu'il est un peu, il est pas impliqué, dedans. Et du coup, c'est révélateur. Hein, il est amoureux. Truc, quoi. Ceux qui ont vu ce show sur le network ou des bouts de show sur le network, si vous avez d'autres moments qui vous ont marqué. Non, moi par contre juste un commentaire général, c'est que moi j'ai d'abord regardé SmackDown en me disant que tout allait se passer là. Je savais qu'il se passait un truc qui s'appelait le second screen, donc il allait se passer un truc en parallèle sur le network. Et arrivé à la fin de SmackDown, je me suis dit c'est nul. Enfin là, au niveau de la forme, franchement j'étais déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mis en scène, jusqu'à en parler je crois sur le forum, qui est du catch, avec des stats, des infos sur les catcheurs et des réactions. Et mon bon vieux Giscal, tout ça, tu l'avais sur le Draft Center Live. Tu avais les stats, Charlotte, championne, machin, lui, ancien champion du monde, first pick, toi t'avais... tout comme on a avec les sports US où t'as des stats, eux qui adorent les stats. C'est dommage. Alors que pendant ce temps-là, tu regardais des matchs remplissage. C'est con, ils ont loupé l'occasion de faire une émission vraiment spéciale, je trouve. C'était pas une émission spéciale draft, c'était un SmackDown un peu mou du genou, dans lequel étaient intercalés des pics par-ci par-là des GM. C'était pas un SmackDown draft live qu'ils avaient annoncé. Moi, j'étais un peu déçu. Vas-y. ça prouve bien qu'au niveau des émissions télé, c'est pas là-dedans qu'ils mettent la créativité, quoi. Non. Ils travaillent sur le network, ils travaillent sur les trucs un peu originaux qu'ils vont présenter sur le network. Et là, maintenant, les shows TV, c'est leur vitrine. Alors, ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce que SmackDown, ça perd de l'audibat. Donc là, ils sont un peu bougé le cul pour relancer le truc. Mais il y a quand même le truc les plus intéressants, enfin, quelque part. Tous les segments qui nous manquaient, qui auraient fait que ce SmackDown-là, ça aurait été quelque chose de vraiment plus intéressant qu'à l'accoutumée, c'était sur le network, quoi. Il fallait avoir les deux, sinon on n'avait qu'une moitié du produit, quoi. Et c'était moitié moins cool. Si vous n'avez pas le network, ou si vous êtes dans votre mois gratuit, si vous démarrez-le pour Battleground, un truc comme ça, et regardez-le, ce show dont... putain, c'est quoi le nom déjà? Le Draft Center Live. Draft Center Live, oh là là, j'y arrive pas. Donc regardez-le, ce Draft Center Live, même en zappant un petit peu, parce qu'il y a plein de passages très intéressants, et... Et il y a beaucoup de passages, comme je disais, hors kayfabe, enfin kayfabe hors kayfabe. Donc on en apprend plus sur les vraies intentions des catcheurs, donc c'est intéressant. On va passer rapidement à la question à la con, parce qu'elle est toujours là, la question à la con. Cette question à la con, elle va être très très rapide cette fois-ci. C'est, vous allez devoir choisir une personne et expliquer pourquoi. Qui sera la compagne de Sasha Banks à Battleground? Alors, vous expliquez pourquoi, mais pas en longueur. Hein, juste, vous faites ça en une minute, hein, s'il vous plaît. Alors, je commence. C'est pour qui? C'est pour moi, ça, c'est ça? Je commence par ringside. Vas-y. Allez. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit Bayley, mais j'ai peur que ce soit Paige. Pour lancer Paige Arrow et enfin relancer Paige Arrow. Pique ma réponse. Et... merde. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent pas faire monter Bayley tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je pense que ce sera Paige. Voilà. Vas-y IRM, hein, parce que moi il m'a piqué ma réponse. Hein. Ah merde. D'accord. Bah pendant que tu cherches éventuellement une autre possibilité, une autre réponse, moi j'en ai une autre. Moi je pense effectivement que ce ne sera pas Bayley, ce serait vraiment une grosse surprise. Par contre, j'ai réfléchi un petit peu, toi, justement, et je pense que ce serait Nia Jax. Pourquoi? Putain, fais chier, c'était ce que je me disais. voilà, il faut, enfin, pour moi, il faut, enfin, c'est l'occasion justement à l'invité mystère, regarder un peu du côté des nouveaux arrivants. Nia Jax a clairement indiqué qu'elle en avait après Charlotte, après son titre. Donc c'est l'occasion de la remettre un peu autour de la title picture, de la monter assez haut. Là où ça cloche un peu, c'est que Nia Jax, faut vraiment qu'elle reste heel, faut pas qu'elle passe face. Sasha Banks est plutôt en mode face, donc on aurait vraiment une espèce d'équipe un peu tordue. Mais je les vois bien gagner toutes les deux malgré tout, évidemment, puisque le titre n'est pas en jeu. Et après, Nia Jax se retournerait alors contre Sasha Banks pour montrer qu'elle est avec personne, en fait. Hein. Alors, ouais, moi je trouve ça cohérent parce que justement, comme je le disais sur le network, dans l'interview, elle rappelle que elle va direct à la conquête du titre, hein, elle passe pas par quatre chemins, et donc on pourrait voir une victoire de Sasha Banks et Nia Jax, et ensuite Nia Jax qui met Sasha Banks par terre, et là, bim bada boom, triple threat. Charlotte, Sasha Banks, Nia Jax, je veux voir ça. Ouais, je veux voir ça. Exactement. Ouais, ouais. On est d'accord, on est raccord. Bon. Moi, ouais, jusqu'à. Du coup, je suis foutu, moi. Qui est Summer Rae. Il me reste Summer Rae ou Alicia Fox. Alors, du coup. Carmela, mec. Carmela, non, je vois. Non, je pense pas parce qu'elle est à SmackDown. Ce serait Eva Marie. Naomi. Non, mais enfin, en fait, si c'est pas Bayley, parce que bon, tout le monde parle de Bayley, c'est la grande absente de la draft, donc c'est vrai que ça aurait du sens qu'elle arrive à ce moment-là. Même si moi je la verrais aller à SmackDown, parce que je pense que c'est plus sa place vu les rosters actuels, je la verrais plutôt aller à SmackDown, donc ce serait bizarre que ce soit elle intervienne ici, mais à la limite pourquoi pas, ça pourrait lui donner l'exposition pour lancer son run à SmackDown avec Becky Lynch. Mais si c'est pas elle, clairement les deux réponses que vous avez données font le plus de sens, parce que c'est dans la hiérarchie, c'est les deux derrière, c'est les Paige et Nia Jax, c'est celles qui ont le plus besoin de prendre ce petit coup de boost qui serait une arrivée en pay-per-view à Battleground comme invité mystère. Donc du coup, je suis un peu coincé, j'ai pas trop de... Moi, je vais miser sur Bayley, alors à ce moment-là, parce que vous... Moi, je pense que, enfin, je suis quasi sûr que ce sera elle. Je suis presque persuadé. Je pense que Paige ou Nia Jax, ça tomberait un peu trop à plat pour une annonce en pay-per-view. Bon, ils l'ont déjà fait par le passé, hein, en pay-per-view, des retours un peu finalement anticlimatiques. On s'attend à une arrivée énorme et finalement, c'est quelqu'un du roster actuel. Là, je pense quand même que ça a été, c'est fait de telle façon que ça va être une arrivée. Donc du coup, je ne vois que Bayley parce que je vois pas Bayley ou alors peut-être une légende qui vient faire un one shot, je sais pas. Et merci d'avoir fait court en Giscal. J'ai pas eu l'impression de faire très long là, non ? Non, je rigole, c'était pour caser ma running joke. Et ben, je crois qu'on a tout couvert. On a vraiment tout couvert. Ouais. Ça a été très long. On divisera ce podcast si vous entendez ça. Ça sera sûrement ouais, part 3, un truc comme ouais. ça. On peut faire notre petite draft bonus les gars, j'ai dans une un spécial. Pour vous, là, c'est pas une question à la con, mais si vous deviez choisir entre Raw et SmackDown, qu'est-ce que vous allez regarder ? Si vous voulez faire un choix. Moi, je pense que je regarderais SmackDown. Parce que c'est plus court et enfin putain, maintenant il y a le Cruiserweight aussi de l'autre côté. Ouais. Hey, tu vois qu'ils ont bien géré. Je suis intéressé par les deux shows maintenant, ils ont réussi voilà. beaucoup. Franchement, trop dur. Hein. Moi, je suis obligé de dire SmackDown parce qu'il y a John Cena et je ne peux pas ne pas avoir ma dose de John Cena par semaine. Donc, je suis obligé de dire SmackDown. Mais franchement, ta question, c'est l'occasion de souligner que, comme dit Ringside, ils ont réussi leur coup. Moi, je suis désolé. On a lu partout sur Internet que SmackDown la prenait dans le fion avec cette draft, que c'était la cata. Ils avaient mis tout ce qu'il fallait à Raw, tout ça. Machin. Je suis pas d'accord. Je pense que vraiment ils ont fait le compromis et le mix idéal pour pouvoir nous intéresser aux deux émissions et ça va être compliqué de. Enfin, moi je dis bravo parce que ça va être compliqué de choisir. Moi je vais être obligé de me taper les deux. Hein. Ça fait 5 heures de catch par semaine. ça fait beaucoup. Plus NXT. Mais bon, là comme ça je dirais SmackDown si je devais trancher. Moi en fait je vais rester. Raw. Si je vais choisir, c'est Raw parce qu'il y a Kevin Owens. Voilà. Moi, je peux pas choisir parce qu'en fait, il y a Finn Balor à Raw et il y a Alexa Bliss à SmackDown. Et donc voilà. Et American Alpha aussi, dont j'ai le t-shirt que je porte avec amour. Donc, on a terminé ce podcast. C'est fini, les gars. On arrête les questions. On arrête les débats. On remercie énormément les gens qui ont réussi. Écoutez ces 3 heures de podcast. Mais n'importe quoi. C'est un plaisir pour ces personnes qui sont allées jusqu'au bout. Tu veux dire qu'on a plus assez de temps pour répondre à la question, aux commentaires qu'on a eu sur YouTube là ? Il y a eu des questions. Il y a un commentaire sur YouTube. Oui. On peut se le garder pour la semaine prochaine si vous voulez. Ouais. C'est chaud là. On peut le garder pour la semaine prochaine. Je pense qu'on y sera. Donc, je remercie la team. Je remercie Giscal. Merci d'être venu. Ah, de rien. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Il est toujours au boulot. Oui. Giscal est au bureau. Hein. On l'a fait récolter pendant. Il a encore ouvert les portes ou quoi ? Il est pas. Ouais, t'inquiète pas. Il a encore une heure pour sortir. Bon. Après, il est enfermé dans le bâtiment. Irem, merci. Merci à tous. Et regardez sur YouTube, sur la chaîne YouTube de WWE, les réactions en live des drafts à NXT. Parce que les mecs, ils étaient au Performance Center et ils apprenaient en direct qu'ils étaient choisis. Et c'est super poignant, voilà, pour ceux qui aiment suivre un peu l'évolution des petits jeunes. Regardez ça, c'est vraiment cool, on voit vraiment Finn Balor quand il se fait sélectionner, Standing Ovation, Alex, tu vois, qui aime bien Bliss, et tu la vois, elle est en larmes. Tout ça, c'était c'est en cool. direct, et c'est, ouais, c'est cool. C'est, en fait, c'est exactement ça, la draft. Cette séquence-là où tu vois les petits jeunes se faire vraiment sélectionner, ça ressemble à une vraie draft. C'est et ça, là, c'est là. T'as des réactions très humaines et c'est très poignant, donc je vous conseille de regarder ça. Et puis aussi, évidemment, de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous abonner à notre podcast, nous laisser des commentaires. Enfin bref, vous connaissez. Ouais. Quoi. Nous envoyer de l'argent, c'est ça. Ringside, merci d'être venu. Merci à vous. J'ai deux choses à dire. Il y a le G1 Climax qui commence à New Japan. Regardez ça, c'est super. C'est facilement trouvable sur Internet. Et j'ai une question. Qu'entends-tu par là? tu pousses au piratage, c'est ça? Non, du tout. ils ont un service de streaming qui est facilement accessible. Oui, bon, c'est pas. J'ai une question. Non, pas de question. Ah, mais laissez-moi terminer. Quid de Triple H? Pas de nouvelles de Triple H? La réponse la semaine prochaine. Allez! À bientôt. Ciao, les amis. Merci de nous avoir écoutés. Donc ouais, oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur iTunes et n'hésitez pas à mettre une petite note aussi sur iTunes. Hein, ça permet d'améliorer la visibilité. Un petit commentaire, voilà, si vous avez aimé ce podcast bien trop long. Et on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. À la semaine prochaine. Allez, à bientôt.